ce matin, au rythme de la chorale, avec un bon cantique, nous voulons louer notre Seigneur. Le louer pour tous ses hauts faits. Le louer pour la vie qu'il nous a donnée. Le louer pour la protection qu'il nous a accordée. Le louer pour tous ses hauts faits. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tenez sur manière que vous louez pas moi. Et Mololo ya bien, Mololo ya bien. Vous êtes. Akozonga Yesu, Elohime akozonga Yesu, amen amen. Tonti yoko, Yesu e. Mwana nzamba yelelo Kole la nyon swe sili Yesu mwanda Zambia. Come on la, Rikisa. Come on la, Rikisa. Come on la, Rikisa. Come on la, Wagato. Come on la, Rikisa. Come on la, Rikisa. Nalingiye, Nalingiye, Kolo Yesu. vous. Opposition. Jérémie 32 nous dit, il a créé les cieux et la terre. En créant les cieux et la terre, il savait qu'il devait créer ce qui devait y habiter. Dans ce plan, il savait que toi et moi, on allait habiter cette terre. Pour tout ce qu'il a fait, nous voulons l'adorer. L'adorer pour son amour envers nous. L'adorer parce que nous sommes en bonne santé ce matin. L'adorer parce qu'il le mérite. L'adorer pour tout ce que nous voyons, tout ce que nous traversons. Moi, je vais l'adorer ce matin parce que je sais qu'il a fait beaucoup pour moi. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Il va encore le faire. Je vais monter mon adoration envers lui en guise de reconnaissance. Je vais monter mon adoration envers lui pour tout ce qu'il va faire encore. Parce qu'il n'a pas encore fini de faire. Il est temps de l'adorer. Le vrai adorateur, c'est ce qu'il cherche. Est-ce qu'on peut élever nos voix au rythme de la chorale? pour adorer ce Dieu merveilleux. Pour adorer ce Dieu qui m'a pris de zéro jusqu'à ce niveau. Pour adorer ce Dieu qui m'a guéri de cette maladie. Pour adorer ce Dieu qui m'a épargné des accidents. Pour adorer ce Dieu qui m'a donné une famille. Pour adorer ce Dieu qui m'a donné tout. Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix, adorons ce Dieu qui mérite notre adoration. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, c'est ton rang d'amour. Nyango na kokani sana yo Alikolo bana se Bona kaza mota manga Sokandeke sala mo Sapo enti mako mikaba Komi pesa mo bimba Moko so ya koka na nyoso Oza nyoso mo tsuya Oza nyoso mo tsuya On y va. Nyango na kokani sana yo. Nalikolo bana se. Bona kaza mota mananga. Sokoneke sola mu. Zamba enti mako mikaba. Komi pesa mo bimba. Oko zoya koka na nyoso. Nyango na nyango. Oh, nous voulons cette atmosphère de Dieu. Où nos cœurs sont tournés et attachés à lui. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu es merveilleux? Tu peux dire à Dieu que moi je n'ai que besoin de toi. C'est toi qui peux changer ma vie. C'est toi qui peux transformer ma vie. Il n'y en a pas deux. Il est le seul. Hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous donne Jésus-Christ comme l'homme solution. Dans Actes chapitre 4, verset 12. 12. Il dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvé. Si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aime la présence du Seigneur. Parce que rien de mal ne résiste dans sa présence. Les malades sont guéris. Les gens qui ont des problèmes trouvent la solution. La présence de Dieu. Oh, il est merveilleux. J'aime la présence de Dieu. Il est magnifique. Il est magnifique. Oh, sois élevé. Tu peux te tenir debout. Nous voulons ensemble bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour bénir le Seigneur? Commence à le bénir déjà. Élève ta voix. Commence à le bénir. Commence à bénir Dieu bien-aimé. Commence à bénir Dieu combien il est merveilleux. Commence à bénir Dieu combien il est magnifique. Commence à bénir Dieu comment il est extraordinaire. Bénis le Seigneur parce qu'il est magnifique. Oh, sois béni, sois élevé, Seigneur. Merci, tu es magnifique. Merci, ta présence nous transforme. Ta présence nous change. Ta présence nous change. Oh, sois élevé ce matin. Sois béni ce matin. Mon âme te bénit. Mon âme t'élève, Jésus. Mon âme t'élève. Là où il n'y a pas de vie, tu me donnes la vie. Là où il y a la mort, tu détruis la mort. Oh, je te bénis, Seigneur. Je bénis la présence de chacun. Je bénis le nom de Jésus. Jésus, mon roi. Oh, merci, Seigneur. Sois élevé. C'est ta présence, papa. Sois élevé. Toi, mon bien-aimé. Sers-moi comme ton cœur. Je te bénis, Jésus. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Alléluia. Sers-moi comme ton cœur. J'ai ta présence. J'ai ta présence, papa. Jésus, mon bien-aimé. Aujourd'hui, guéris les malades. Aujourd'hui, visite ton peuple, Seigneur. Parce que tu es présent. Aujourd'hui, réponds. Réponds, Jésus. Console. puissance. Alléluia. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et nous célébrons le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je vais donner, avant la parole de ce matin, dire certaines choses. J'ai eu à cœur ce matin d'aller travailler avec mes enfants de l'Ekodim, c'est là que j'étais. De temps en temps, c'est important d'aller travailler à l'Ekodim. Et aujourd'hui encore, je trouve que c'est très important de travailler à l'Ekodim. Et je prie le Seigneur qui me donne de temps en temps le temps pour passer à l'Ekodim. Alors, deux choses par rapport à l'Ekodim. La première chose, je demande aux parents de tout faire que les enfants soient à l'Ekodim avant 9h. La prière commence à 9h. Maombi kunanja na saa ya 9h. La prière de l'Ekodim. Maombi ya kule ku Ekodim. Tous sont ensemble dans la même classe. Wote wanakusanyika katika chumba moja. Et il commence à 9h. Na bananza na saa ya 9h. Donc je souhaite et je demande aux parents. Na tamania kabisa na kuomba wazazi. Faisons un effort d'être là avant. Tujikaze kufika pale mbele wakati. Et de disposer les enfants à 9h à l'Ekodim. Na kutayarisha watoto wawe kule na saa ya 9h. La deuxième chose, c'est encore une demande. Kintu ya pili, na inakuwa ni ombi tu. Quand je vois mes enfants, nikione wangu watoto, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Niku wazazi, kuweza kubeba kwa ajili ya watoto. Ici, je demande des partenaires. Naomba ko wasaidizi. Pour l'Ekodim. Kwa ajili ya Ekodim. Je demande des partenaires pour l'Ekodim. Naomba ko wasaidizi kwa ajili ya shule ya Ekodim. Nous sommes des parents, nous sommes dans la maison de Dieu. Tuko wazazi na tuko mchumba ya Mungu. Tu as mangé le matin? Non. Ulikula asubuhi? Hapana. Tu viens comme ça? Oui, oui. Unakuja paka hivi? Ndio. Je connais pas ce que coûte un biscuit. Nisijue biscuit kuna ngapi? Mais ça me fait un pincement. Pale inayumiza kabisa. Alors, je demande à ceux qui voudraient être partenaires. Naomba kwa wale wanapenda kuya wasaidizi. De me voir ou de me donner une enveloppe de leur engagement, je vais prier pour eux. Bamone mchungazi bapate kuleta usaidizi wao. Mes enfants de l'Ekodim. Kwa ajili ile tu ni kwa ajili ya shule ya watoto ba Ekodim. Parfois nous dépensons beaucoup de choses. Tuko na tosha bitu mingi kabisa. Et moi, c'est ce qui me fait généralement mal. Mimi ile niko na umizo nayo kabisa. Parfois à la fin de la semaine ou à la fin du mois, tu réalises qu'est-ce que j'ai dépensé dans des choses sérieuses. Ku mwisho ya mwezi ya juma ni nini nilipoteza zaidi. Tu as demandé, tu as de l'oncle, fulani nilomba, nilimpatia sangazi, mjomba, l'ami, kaka yangu fulani. Mais nous avons nos enfants. Huko tuko na watoto. Église. Nini kanisa? Nous sommes déjà matures. Tulisha komala. Nous avons une vision que les autres n'ont pas. Tukuna onyo moyo ile wengine hawana nayo. Prenons soin de nos enfants. Tushurulikie wetu watoto. Ça, c'est l'église de Dieu. Hii ni kanisa ya Mungu. Vous savez, je leur ai dit ce matin deux choses. Penda kusema vitu mbili asubuhi ya leo. Il y a une histoire qui est répétée deux fois dans la Bible. Kuna kwa hadithi moja inarudia mara mbili ndani ya Biblia. Pharaon cherche à tuer tous les enfants mâles. Pharaon alipenda auwe watoto wote wanaume. Dans Exode chapitre 1 à partir du verset 15. Kitabu ya kutoka sura yake ya kwanza shaili ya 15. Il dit aux sages femmes. Anaambia bali bakuzalisha. Quand les femmes des Hébreux vont mettre au monde. Wakati wa mama wa ngambo ya Ibrahimu wanapenda kuzala. Si c'était mal vous le tuez carrément. Amani mtoto mwanaume umuue pale pale. C'était la décision de Pharaon. Ilikuwa ni mpango ya Pharaon. Mais dans tout ça. Dieu a préservé Moïse. Quand Pharaon pose la question, il dit non, non, les femmes d'Hébreu ne sont pas comme nos femmes. Avant même d'arriver, elles se sont déjà accouchées. Dieu a protégé les enfants mâles. Et les femmes dont Poua ont été bénies. Parce qu'ils ont accompli quelque chose de grand pour le Seigneur. La même histoire se répète. Là, la même histoire se répète dans Matthieu chapitre 2. Inarudia te katika Matayo sura yake ya pili. Hérode veut tuer aussi tous les mâles. Hérode alipenda watoto wanaomba watu wauawe. Comme la solution se trouve en Égypte. Gisi jibu likuwa kungambo ya Misri. Dieu dit à Joseph. Mungu anamwambia Yusufu. Je suis dans Matthieu maintenant. Prends le petit enfant et Marie, allez en Égypte. Chukua mtoto huyu pamoja na Miriam mama yake bende ku Misri. Hérode veut tuer le garçon. Sababu Hérode anapenda auwe mtoto. Dieu protège les enfants. Mungu ako na kinga watoto. Donc nous avons aussi l'obligation. Na sisi tunako na lazimisho de prendre soin de nos enfants. Ya kushirikia kwa ajili ya wetu watoto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'abord pour les enfants? Amen. Amen. Si tu prends soin des enfants d'autrui, Dieu prendra aussi soin de tes enfants. C'est le même principe. Dieu c'est un Dieu de principes. Je bénis le Seigneur, la deuxième chose avant que je n'enseigne. Pour mon fils. Mon fils aîné Joy. Mtoto yangu wa kwanza jina yake Joy. Je crois que deux jours avant son anniversaire. Siku mbili mbele akaramike tarehe ya kuzalika. Il a fait un accident. Alifanya musiba. Un accident sur une route plate. Musiba tu munjia tu ya kunyoloka vizuri. Okay, son ami vient le prendre. Rafiki yake anakuwa kumchukua. Il laisse son véhicule. Anaacha gari yake pale. No, no, nous pouvons partir. Sema tuweze tu kwenda. Ils sont au niveau de Alilac. Juste le temps de tourner sur Alilac et d'aller au niveau de la route du golf. Pale tu bakunja pale lac na bendo kungambo ya golf. Le véhicule se renverse. Gari nayo inapinduka. Mipeto yulu kichwa chini. Tous les pneus au-dessus là. Dieu merci. Mungu tunasema asante. Tous sont en vie. Bote beko bajima. C'est le véhicule qui était abîmé. Ni gari tu njo yaribika. Alléluia. Amen. Quand je vois des choses comme ça, je rigole. Je l'ai appelé. J'étais à Lubumbashi, j'ai dit, donne-moi une bouteille d'huile d'olive, je vais prier. Parce que l'ennemi cherche mal à nos enfants. Mais les enfants sont sous notre alliance. Dieu les protégera. Na Mungu atawakinga akika. Tel qu'il a protégé le mien, je prie que Dieu protège aussi tes enfants. Je prie que Dieu prenne soin de tes enfants. Je prie que Dieu prenne soin de tes enfants. Qu'il les protège aussi. Protège aussi. Awakinge vile vile. Sois avec tes enfants. Akuye pamoja na bako batoto. Dans le nom puissant Ujina de Jésus. La Yesu wa Nazareti. Alléluia. Amen. Troisième chose. Kitu ya tatu. Nous venons de la campagne. Tunatoka kumkutano munene ya habari njema. Il y a peut-être ce que Dieu a fait pour toi pendant la campagne. Kukwele Mungu alikufanyia wakati ya mkutano ya habari njema. Lève ta main là où tu es. Pale huko tu nyosha mkono yako. Nous voulons célébrer ensemble le Seigneur. Tunapenda kushangilia pamoja Bwana. Si tu trouves que Dieu a fait quelque chose de toi particulièrement. Kama ndio Mungu alikutendea kitu moja ajabu ya upekee. Lève ta main. Pale huko nyanyua mkono yako. Dieu t'a guéri, tu avais un problème. Mungu alikutunza, ulikuwa na mambo, ulipata jibu kutatizo yako. Alors venez devant. Sasa kujeni huko mbele. Peu. Mutembeye kidoko. Pour témoigner. Juu ya kuweza kushuhudia. Pour témoigner. C'est pour faire honte à l'ennemi. Wakati tunashuhudia tunampatia adui haya. Est-ce qu'on peut encourager? Tunaweza kupiga mikono. Karibieni, kujeni, kujeni. C'est juste une minute. Ni dakika tu mmoja bure. Donnez-moi le micro. Mutupe kibuyu, mutupe kibuyu. Donnez-moi le micro. Mulete kibuyu. Savez, l'église parfois il faut quitter les habitudes. Kanisa tutoke mazoezo. Ce que Dieu a fait pour toi pendant la campagne. Ile Mungu alikutendea wakati ya mkutano wa habari njema. Témoigne pour le Seigneur. Uishuhudie sasa kwa ajili ya Bwana. Donne le micro. Leta kibuyu, leta kibuyu, leta kibuyu. On commence par la sœur rapidement. Venez témoigner, bien-aimé. Amen église. Tout droit. Amen église. Mungu na shukuru Mungu. Mishi kwanza kupata opportunity kushimama kumbele njoo ni shukuru. Mais papa Mungu anamtembelea pour que nipate temps kushimama pour que ni shukuru. Shukuru deja. Kama muranza kuona mtoto wangu nilikuwa naye. Mtoto wangu alikuwa na malaria ya roho. Shimwa turingia mu bureau pastoral mimi namuonesha papa, papa anamwekea mkono amwache sasa wendi katala useme Mungu mimi nakatala hii hii magonjo. Na bia kweli mtoto alikatala na njoo maombi tuanza kuomba siku yote tuko na katala ile mambo. Mimi kaanza kwenda paka kwa hospital mais pour le moment mu moins j'ai 7 bana nyonesha sema ashina na malaria banaanza kunifokio chance kwa tena naye. Ashina tena na malaria. Hii malaria ashina nayo chance tena kwa naye kwa hospital. Njoo mimi nashukuru Mungu wa babangu Desire papa Mungu akubariki sana. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Mama Bea Darda. Amen wa papa. Mimi nashukuru Mungu bazazi yangu, mimi tangu baba yangu na mama yangu kunizala, mimi nateswa na malaria kifuafua tangu butoto niko na kalaba. Me kama leo ninapona mimi Mungu ananisaidia na nichunga leo niko mzima na rifua mariage mu 2009 dimanche le 4 na Mungu ananisaidia na nipa akili na uza mpango niko na balokateri sisi kumpango yangu mimi nashukuru. Okay, Mungu akubariki. Oui, allez-y. Amen. J'ai deux témoignages. Le premier, c'est pendant la campagne. Vous allez constater que j'avais une plaie au niveau de ma lèvre. Ça fait toute la semaine, j'étais vraiment gravement malade. Mais j'avais dit à Dieu que je ne vais pas rester à la maison. Ce travail délicat, si t'adores, et la charge qui m'a été donnée, je ne vais pas l'abandonner. C'est pour toi. Guéris-moi aussi pendant cette activité. Chose grave, bien-aimé, juste après, les jours que nous terminons l'Icacitador, la plaie a séché d'une façon instantanée. Vous n'avez pas idée et je me suis senti normalement bien. C'est pour cela que je bénis le Seigneur. Amen. Le deuxième témoignage, pendant l'Icacitador, mes amis étaient dans les démarches pour le voyage. Ils ont obtenu même le visa pour voyager et ils ont voyagé le même dimanche. Moi, j'avais dit à Dieu que, quel que soit le temps, toi-même, tu sais ce que tu vas faire. Je suis allé me pointer à l'ambassade le lundi matin et j'ai demandé le visa. Ils m'ont dit, bon, c'est impossible. J'ai dit, non, non, c'est possible. Il faut faire quelque chose. Ils m'ont dit, sors d'abord, tu reviens dans 2 heures. J'ai dit, dans deux heures, le vol, c'est à 13 heures. Il était 10 heures. J'ai dit, si je sors, donc ça veut dire, je ne vais pas voyager. Alors, la dame là me regarde, elle me dit, assois-toi là. Je me suis assis et par après, je vois, on me sort mon passeport avec le visa. J'ai voyagé le même jour. Je suis allé et je suis rentré. Je bénis le Seigneur, le Dieu de notre papa. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Moi j'ai au moins 2-3 témoignages, je vais les raccourcir. Papa, je vous remercie. Vous aviez prié pour moi avant l'opération à la dent. Il fallait m'arracher une dent. Vous aviez prié pour moi. Et je n'ai jamais eu cette fois la piqûre à la bouche. Je n'ai jamais eu l'anesthésie à la bouche pour l'opération de la dent. Ça, c'est le premier témoignage. De deux, ma femme était gravement malade. Il y a la femme de mon frère qui était morte parce qu'elle avait l'occlusion intestinale. Lorsqu'on m'avait annoncé l'opération de ma femme pour l'occlusion intestinale, j'avais très peur. Mais il fallait seulement prier. L'opération s'était très bien passée. Elle se portait quand même bien pour le moment. Pendant cette même période, il y a ma petite fille, Keren, que vous voyez là-bas, qui a terminé ses études. En tout cas, je remercie encore le Seigneur. Au travail, j'ai eu beaucoup d'histoires, mais Dieu m'a gardé, m'a protégé. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Gloire au Seigneur. Oui, maman pasteur. Amen, Église. Je témoigne pour deux personnes. Moi-même et pour une de mes sœurs. En ce qui me concerne, Je tenais à témoigner parce que j'ai vécu beaucoup de turbulences, des manques de sommeil et de paix. J'ai fait des crises de tension qui m'ont beaucoup perturbée parce que je n'avais pas la paix. Pendant l'Icacitador, j'ai commencé l'Icacitador avec une crise de gastrite. Comment je pique des crises de gastrite? Ce sont des crises subites et qui finissent par me faire interner à l'hôpital. Mais toujours, on doit m'interner parce que c'est toujours des situations critiques. Mais quand l'Icacitador a commencé, j'ai commencé avec une crise de gastrite et je m'inquiétais. J'ai soumis cela au Seigneur, mais le deuxième jour à la gare, je n'ai plus rien senti, tout a disparu sans médicaments. Amen. Et je voulais bénir le Seigneur aussi pour ma sœur. J'ai une grande sœur qui vit à Kin. Elle dit tout le temps, Ganaza mon dimia source féconde. Je l'ai déjà dit à certains. Parfois, quand il y a des contributions, il faut donner des chaises ou quoi, elle participe toujours. Alors, quand ça a commencé, elle dit, en tout cas, ça va bien se passer parce que moi, je suis à genoux. Le dernier jour de l'Icacitador, elle a reçu un véhicule de fonction. Et elle a dit, en tout cas, il faut que je bénisse le Seigneur pour cela. Que Dieu soit béni. Merci. Alléluia. Quelqu'un d'autre a un témoignage? Ça fait partie de l'église, ça fait partie du culte. Apprendre à témoigner pour le Seigneur. Les choses que Dieu fait dans nos vies. Sachons témoigner pour le Seigneur. En principe, moi je le fais. Je ne manque jamais un dimanche ou un culte sans donner mon action de grâce. Jamais. L'offrande, oui. Sadaka ya siku zote ndio. Mais à côté de ça, j'accompagne toujours avec mon action de grâce. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce que Dieu fait. Soit directement pour moi. Soit pour mon frère. Soit pour ma soeur. Soit pour l'église. Je donne toujours mon action de grâce. Je considère que chaque jour, il y a toujours quelque chose. Naone kama kila siku mambo ile Mungu anafanya. C'est vrai que je me déplace un peu beaucoup ces derniers temps. Je ne suis même pas habitué au déplacement. Je considère que c'est la grâce de Dieu de partir et de revenir. C'est la grâce de Dieu de travailler. Donc en principe, toi et moi, chaque dimanche, tournons nos actions de grâce aussi. J'ai dit, ça c'est pour introduire ce que j'ai dit le jeudi. La différence entre nous n'est pas le fait que nous venons à l'église. C'est notre attitude quand nous venons à l'église. Il y en a qui sont là par habitude. C'est le Dieu qui connaît. Oui, ni Mungu anajua. Et ici, généralement, bazamani bamukanisa. Hapa kwa jumla, les anciens dans l'église. Banazobele akani. Ils sont habitués à l'église. C'est rare que vous les voyez venir à 8h, à 8h30. Ni kigumu kabisa kubona kuya mbele ya wakati ukanisa. 8h30. Anaingia mudush. Il entre maintenant pour aller se laver. 9h. Il est là. Ecopale. Comme quoi Karibu attention la question, est-ce que le pasteur déjà confie? S'il est tout prêt là, il peut me demander si le pasteur est déjà là. On a non mon tocard pasteur. Ou soit il regarde si le véhicule du pasteur est là. Si je peux vraiment venir à pied ou mon chauffeur me dépose, il part, ce serait une bonne chose. Quelques-uns vont rater le ciel à cause de cela. Nous les anciens là. Chie bazamani. Quand tu viens à l'église, est-ce que tu as une attitude de recevoir quelque chose? Tu as une attitude que ta vie, ma vie va changer aujourd'hui. Il y en a qui viennent assis sur les chaises. Pas connectés à l'église. Abambatane kwa Bwana. Et même l'ensemble nous a dit ce matin la prière. Beaucoup de gens viennent en foule. Watu wengi wanakuya mkikundi. Pour aller en foule. Au wanaenda mkikundi. Mais Jésus guérissait deux. Yesu kwa natunza ako moya wala wawili. Les autres rentraient toujours. Abengine balikuwa narudia paka vile. C'est parce que ceux qui venaient avaient la décision. Ni sababu bale balikuwa nakuya balikuwa na mpango moya kamili. Si je touche sa robe, nikigusa tu kupinde wa kanzo yake, je serai sauvé. Pale pale nitaokolewa. Il y en a qui écoutaient la parole. Bengine kwa nasikia neno. D'autres ouvrent le toit. Bengine wanafungula. Jésus laisse d'abord ceux qui écoutaient la parole. Yes, on a tout quand on a dit à Neno. Asema, nini pal? Ta foi t'a sauvé. Basi mani yako inakokoa. Et ils sortent guéris. Wanatoka bene kutunziwa. Ton attitude. Basi hali yako. Frères et sœurs. Nduku na dal. Dieu n'est pas bouleversé par nos émotions. Mungu agusiwe zaidi na namna yetu ya kugusiwa. C'est un Dieu de principe. Uyu Mungu wetu ni wa makanuni. Notre attitude dans l'église. Hali yetu ndani ya kanisa. Notre attitude quand nous chantons. Hali yetu wakati tuko na imba. Parfois tu regardes les choristes. Mara unaangalia waimbaji hivi. Ils sont présents de corps. Kumwili beko hapa. Mais la tête et les pensées sont ailleurs. Kichwa na mawazo iko nje. Parfois nous nous regardons comme ça. Barangire tuko naangaliana tu katika yetu. Balinda amani. Quelle est notre attitude? Sasa hali yetu mukanisa ni hali gani? Nous venons de loin. Hakika tunatokea mbali. Chacun a cru au Seigneur, il a cru au Seigneur. Kila mmoja wetu aliamini Bwana mnamo na yake. Dieu ne fait exception de personne. Mungu afanyake ubabuzi ya batu. Il bénit le roi. Atambariki mfalme. Il bénit l'esclave. Anabariki na mutumwa. Si ton cœur est ouvert au Seigneur, kama moyo wako uko wazi mbele ya Bwana, Dieu va te bénir. Hakika Mungu atakubariki. Dieu ne bénit pas parce qu'on a une belle voix. Mungu abariki yake sababu kuna sauti ya mzuri. N'est-ce pas? Les anges ont de très belles voix. Ba malaika beko na sauti mzuri kabisa. Dieu bénit. Mungu wako na bariki. Celui qui a la foi. Ule kuna imani. Je prie. Iko naomba. Source féconde. Ine kanisa chemchem la uzao. Le temps de changement est arrivé. Wakati ya mabadiliko inatimu. Nous voulons être bénis. Tunapenda tubarikiwe. Et si nous sommes là. Na kama tuko hapa. Notre job. Manake kazi yetu, c'est de faire en sorte que vous soyez bénis. Kufanya namna yote na nyinyi pia mubarikiwe. La bénédiction. Basi baraka. Ce n'est pas la voiture. Aina kupata gari. N'est-ce pas? Quand quelqu'un a une voiture, non, ce n'est pas la voiture. Kama mtu ana gari anabarikiwa, hapana. La bénédiction ce n'est pas avoir un diplôme d'université. Baraka haina kupata cheti ya masomo ya juu ya university. Au fond des diplômes d'université. Ma cheti mingi ya university. La bénédiction. Lakini baraka. C'est l'équilibre dans la vie. Maana yake ni kupata usawa mu maisha. Vous savez, dans la Bible, j'aime dans Acte des Apôtres. Mu Biblia napenda kabisa mkitabu ya Tendo la Mitume. Le chapitre 5. Kwenye sura yake ya tano. On dit ceux qui avaient beaucoup n'avaient rien de trop. Barasema baba alikuwa na mingi haikubazidisha. Na baba alikuwa na chati hapo kuongea na kitu. Kulikuya kule usawa. Pas d'égalité. Haikuwa pamoja hapana. D'équité. Lakini usawa. C'est ça la bénédiction. Injo baraka. Quand tu as besoin de la guérison, wakati unahitaji matunzo, tu la reçois. Unaipokea. Tu n'as pas d'argent. Auna na hela wala fedha. Mais quand tu as besoin d'argent pour payer les études, Dieu te donne. Wakati unakuwa na fedha, ni ya kulipia masomo, Mungu anakupatia fedha. Et ça, na ile, ce n'est pas lié à nos diplômes. Ayambatane na macheti yetu ya masomo. Il y a des gens qui ont des diplômes. Koko watu wana cheti ya university, bengine beko ba doctor. Mais ça ne produit pas. Alakini aitoshe kitu. La bénédiction. aitoshe baraka. Celui qui bénit, mwenye kuna bariki, c'est l'Éternel Dieu. Ndio wa milele Mungu wetu. Alléluia. Amen. C'est très important. Ni ya muhimu kabisa. Je vous exhorte. Na wasubutisha. Je vous encourage. Na watilia nguvu. Quand vous venez à l'église, wakati mnakuja kanisani, soyez concentrés. Weka akili fasi moja. Ayez un carnet. Uwe kuna kartasi yako. Écrivez. Na wanze kuandika. Si vous ne savez pas écrire, essayez d'être concentré pour retenir. Kama uyu kuandika, weka akili fasi moja ushike bile boko nasema. Je parle à mes enfants. Na niko nasema na wangu watoto. Il y en a effectivement. Bengine ni washuhuda. Et je continue à prier chaque jour, chaque jour, chaque jour. Endelea kuomba siku kwa siku. Je sais que le temps est arrivé très bientôt, très très très. Na yuo wakati na timu ni sasa tu karibu hivi. Dieu va les visiter. Mungu atawatembelea. Alléluia. Amen. Dieu va vous visiter. Mungu atatutembelea. Il vous visitera. Na atawatembelea na nyinyi pia. Alors soyons concentrés. Basi tuweka akili fasi moja. Faisons des efforts pour être là au culte. Tujikaze kufika pa kanisa. Mercredi soyez là au culte. Siku ya kazi tatu tukuye kwa kanisa. Vendredi soyez. Kazi tano tena pia tukuye kwa kanisa. Oh bien-aimé. Basi wapendwa. L'argent c'est rien par rapport à la santé. Feza haitoshi kintu mbele ya afya. L'argent c'est rien par rapport à la paix. Feza haitoshi kintu mbele ya salama. Connaissons le Seigneur. Tutambo ibwana. La semaine dernière, j'ai croisé un homme politique à Kinshasa. Jumeli pita nilikutana mtu mmoja wa kisiasa pale Kinshasa. Parfois les gens que vous regardez de loin. Wa tukamkimone kwa mbali. Kuna imani ya nguvu. On travaille. Tuko mkazi. Son téléphone sonne. Simu yake inalia. Mimi na Desire ne t'en fais pas. Asema Desire hapana kujizuru zaidi. J'ai déjà programmé sur mon téléphone. Nilisha kutengeneza byote pa simu yangu. Chaque 2 heures. Kisha saa 2. Mon téléphone sonne. Simu yangu kunalia. Pour que je lise un psaume. Ili nisomeko andiko moja. Un psaume. Ndio nisomeko Zaburi moja. Je le regarde. Mina muangalia. Je dis, est-ce que je peux prier pour vous? Se naweza kukuombea. Chaque 2 heures. Kila saa kisha saa 2. Ça sonne. Simu yake nalia. Ah, ça c'est le temps de lire le psaume. Anaenda sasa ni wakati ya kusoma Zaburi. Juste 2 versets. Mistari tu 2. Je lui dis wow. Nasema oh. Comme pouvait dire Jésus même en Israël. Et comme Yesu alisema tamu Israeli. Même dans les églises. Hata makanisa mbalimbali. J'ai pas vu des gens qui ont des programmes. Sikuona bantu boko na matengenezo. Chaque 2 heures de lire le psaume. Kila saa 2 anasoma hako kitabu ya Zaburi. TikTok tok tik tik. Tu poka pa TikTok. TikTok. Hakuna mambo. Yala nya pas de problème. Si tu na soma psaume. Nous nous lisons les livres de psaume. Mungu atatusaidia. Dieu va nous aider. Un homme politique. Muntu wa kisiasa. Il dit non, non, j'ai compris, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est ne lewa kama shina muda mrefu. Sa yote kisha saa 2. Naweza kusoma kwa Zaburi moja. Je dirais je me sens bien. Pale mimi nasikia mzuri kabisa. Je suis pas content. Non, non, non, non, vous êtes comme moi. Ase wewe pamoja na mimi. Je vous bénis. Na kubariki. Je vous encourage. Na batiria nguvu. Donc il met sur son téléphone. Anaweka ndani ya simu yake. Il dit non, non. Kama nalia tu. Ah, c'est le temps de lire le psaume. Sema hii ni saa kusoma kitabu ya Zaburi. Je dis wow. La porte du ciel, hein? Manayake, mlango ya mbingu. La porte du ciel. Mlango ya mbingu. Je connais pas la dimension. Misi juwe bunene bukubwa wake. Mais aina makirele yetu jote tuingisha mu mbingu. Ce ne sont pas nos bruits là qui nous feront entrer dans le ciel. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je vais donner un enseignement. Asubuhi ya leo mitafundisha. Et une prière. Na maombi tena. J'aimerais que tu me suives attentivement. Napenda unifuate mzuri kabisa. Il est long, je vais essayer de refu, raccourcir. Tapima, kuifupisha ako, parce que nous devons prier selon ce que Dieu m'a dit. Sababu tunapaswa kuomba kadiri ile Mungu aliniambia. C'est toujours le thème que nous abordons depuis le mercredi. Et pas que le kishina moyo moyo tulianza na siku ya kazi tatu. Je voulais prendre ce thème depuis la campagne. Nilipenda kutumia hiki shina tangia wakati ya mkutano wa habari njema. Nous puissions ensemble comprendre la volonté de Dieu. Ili tuelewane vizuri na kujua kwa mapenzi ya Mungu. Ésaïe chapitre 33. Isaya sura ya 33 verset 22. Shaili ya kusoma ya 22. Ésaïe 33 22. Isaya 33 shaili ya kusoma 22. Sur lequel nous travaillons. Nikishina kile tukunatumikia. La Bible me dit ceci. Biblia inasema hivi. Car l'Éternel est notre juge. Sababu wa milele ndiye mwamuzi wetu. L'Éternel est notre législateur. Na yeye anatutungia masheria. L'Éternel est notre roi. Na wa milele ni mfalme wetu. C'est lui qui nous sauve. Ni yeye anatuokoa. L'Éternel est notre juge. Wa milele ni mwamuzi wetu. L'Éternel est notre législateur. Na yeye anatutungia masheria. L'Éternel est notre roi. Na yeye tena ni mfalme wetu. C'est lui qui nous sauve. Ni yeye anatuokoa. Nous avons commencé à parler des trois pouvoirs de Dieu sur ses enfants. Nianza kusungumzia mauweso tatu ya Mungu juu ya baki ya watoto. Qui est différent des pouvoirs de Dieu sur les autres. Inatanishwa na mauweso ya Mungu juu ya watu wengine. La Bible dit que l'Éternel est notre juge. Biblia inasema wa milele ndiye mwamuzi wetu. Il est notre législateur. Anakuwa mwenye kututungia masheria. Notre roi. Kisha anakuwa mfalme wetu. Et puis deux points. Na nukta mbili. On nous donne la raison. Banaleta sababu pour yake. Pour laquelle Dieu est notre juge. Kwa nini Mungu anakuwa mwamuzi wetu. Pour laquelle Dieu est notre législateur. Kwa nini Mungu anatutungia masheria. Pour laquelle Dieu est notre roi. Na kwa nini yeye alikuwa mfalme wetu? La raison. Sasa sababu yake. C'est nous sauver. Maana yake ni ili tuokolewe. Donc ce pouvoir de Dieu sur ses enfants. Ni mauweso ya Mungu juu ya baki ya watoto. C'est de nous sauver. Ili tuokolewe. Et pendant que nous en parlons ce matin. Wakati tunazungumzia asubuhi ya leo. Dieu veut te sauver. Mungu anapenda kukuokoa. Dieu veut sauver quelqu'un. Mungu anapenda kuokoa mtu mmoja. Nous avons défini certains termes. Tuleta maana ya mtamko fulani. Nous avons vu que dans le même verset. Tuliona katika shairi moja moja. Notre est repris trois fois. Maana yake wetu inabebewa mara tatu. Notre on a dit que c'est un adjectif possessif. Wetu inakuwa ni tamko kusema inakuwa yetu. C'est ça? Ndio. C'est ça, adjectif possessif. Ndio. OK, c'est une appartenance. Maana yake ni ile inabeba inakuwa yako. No, no, Mungu ni wetu. No, Dieu est notre. Dieu est notre. Maana yake Mungu ni wetu. Ça signifie. Maana yake. Il y a plusieurs juges. Kuko waamuzi wa mingi. Mais le notre. Sasa huyu wetu sisi. C'est Dieu. Ndio Mungu. Il y a plusieurs législateurs. Kuna kwa watunga sheria wengi. Le notre c'est Dieu. Maana kule wetu yeye ni Mungu. Il y a plusieurs rois. Kuna kwa wafalme wengi. Mais le notre. Lakini ule wetu ndiye Mungu. Ah, je comprends. Oh, naelewa vizuri. Quand les autres demandent à Jésus, montre-nous comment on doit prier. Wakati wengine wanamlomba Yesu, Mungu tufundishe namna ya kuomba. Si vous voulez prier. Asema ukitaka kuomba, notre Museme baba yetu. La chose qui doit relever quelqu'un. Kitu napaswa kuinua mtu. C'est que malgré ma condition. Ingawa hali yangu. Dieu reste mon père. Yeye Mungu anabakia baba yangu mie. Il reste mon père. Anabakia baba yangu. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Même si un père peut renier son enfant. Kama baba zokatana mtoto yake. Kama baba vile manikalaka. Comme si c'est ce genre de papa sola. Wala mara nyingine mama waivyo zakatana mtoto yake. Si ce genre de mama sont encore là. Ce sont des hommes. Sababu ni batu. Ce sont des hommes. Ni batu hakika. Je serai jamais surpris. Nitaweza kusutushwa. Comme dit que non non mama kana mkatala. Undike elai terenie par sa mama. C'est un homme. Naye ni mtu. La seule personne qui ne peut pas terenier. Uliweza kukatana na kutupa. C'est notre Dieu. Ni paka wetu Mungu. C'est notre père. Ni paka baba yetu. La seule personne. Ni paka yeye. Qui ne peut pas terenier. Hawezi kukutupa. Comprend dans Luc chapitre 15. Nelewa katika Luka sura ya 15. Ule mtoto aliweza kupoteza vyote. Alikuwa matope. Alipoteza hela yote. Alikumbuka. Utamwendea baba yangu. Utamwambia baba, nilifanya dhambi mbele yako. Wakati alisimama, alimwendea baba yake. Ndugu na dada, fait de savoir. Nataka na kujua kama Mungu ni baba yako. La capacité de te relever. Je dis à quelqu'un ce matin. Il est courbé. Il a des soucis. Il est tombé quelque part. Relève-toi. Garde ta lumière. Sababu nuru yako inafika. Dieu est ton père. Mungu ndiye baba yako. Alléluia. Amen. Dieu est notre père. Mungu ni baba yetu. Relève-toi. Simama inuka. Deuxième chose. Kitu ya pili. Il dit il est notre juge. Anasema ni mwamuzi wetu. Nous avons défini les juges. Tuleta maana ya mwamuzi. On a dit que le juge c'est un arbitre. Tu sais moi muzini yego nakata mambo. Le juge c'est un arbitre. Eko katikati ya bantu mbili. Et chaque fois je regarde les arbitres. Kila wakati naangaliaka ba arbitre. Avoir l'arbitre de votre côté. Kuya naye ku ngambo yako. Ataba na mingisha golo. Même si on fait entrer un goal, un but. Aina to ku vérifier ku VAR. Il va aller vérifier devant le VAR. Il regarde. Anangalia. Anafanya pake. Il fait comme ça. Anannule. Il annule carrément les buts. Dieu est de notre côté. Mungu ku kungambo yetu banduku. Dieu il est de notre côté. Mungu ku ngambo yetu. Alléluia. Amen. Il est notre arbitre. Yeye ndio eko ku ngambo yetu. Dieu est notre législateur. Ni yeye tena anatungia masheria. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait nos lois. Maana yake ni yeye anatunga masheria yetu. On va y revenir. Tutarudi yako baadaye. Si tu souffres aujourd'hui. Kama leo yuko unateseka. Tu as accepté les lois de quelqu'un d'autre. Sababu ulikubali masheria ya mtu mwingine. Tu as accepté les lois de la maladie dans ta vie. Ulikubali masheria ya magonjwa maisha yako. La différence avec les chrétiens du Congo. Atanisho na wakristo wa kikongomani. Nous acceptons des choses qu'on ne doit pas accepter. Tunakubaliaka vitu bili hatuwezi kuvikubali tu. Dans Esaïe 26 13 on a lu le. Esaïe 26 13 tulisoma siku ya 5. D'autres dieux ont régné sur nous. Miungu mingine ilitawala juu yetu. D'autres dieux ont dominé sur nous. Miungu mingine ilitawala juu yetu. Mais comment j'ai accepté? Nilikubali namna gani? Que les autres dieux dominent sur moi. Donc je peux refuser. Na weza kukatala. Et j'ai dit vendredi. Nilisema siku ya kazi tano. Qu'il y a eu un problème d'usurpation. Kulikuwa mambo ya kubeba mamlaka bila ruhusa. Et un problème de légitimité. Na mambo ya kubeba ile na kubailiwa kabisa. Celui qui règne sur toi. Mwenye kunatawala juu yako. N'a pas la légitimité de régner sur toi. Yeye akubailiwe atawale juu yako. Ce n'est pas reconnu par Dieu. Sababu haijulikane na Mungu. Or tout ce qui n'est pas légitime. Ile yote haikubailiwe. Tu peux le chasser de ta. Unaweza kuitokeza maisha yako. Alléluia. Amen. Dieu est notre roi. Mungu ni mfalme wetu. C'est un problème de puissance. Ni mambo ya uwezo. Un problème de puissance. Mambo ya uwezo. La royauté c'est la puissance. Mambo ya ufalme ni kuwa na uwezo. C'est la puissance. Ni uwezo. C'est ça la royauté. Injo mambo ya ufalme. Voilà, c'est-à-dire il y a le pouvoir judiciaire. Maana yake kuna kuya mamlaka ya sheria. Il y a le pouvoir législatif ou parlementaire. Kuna kuwa tena mambo ya baraza la bunge. Et il y a le gouvernement ou le pouvoir exécutif. Na kuna kuya tena mambo ya serikali. On va y revenir de plus en plus avec tout arudiamo badaye pour voir ce que fait chaque pouvoir. Tu akona kila chumba ya uwezo unafanya namna gani? C'est de synthétiser Dieu est notre juge. Napenda kufupisha kusema kama Mungu ndiye mwamuzi wetu. Il est notre juge. Ni yeye anakuwa mwamuzi wetu. Obere mais la prophétie d'Isaïe. Pendo basi matabiri ya nabii Isaia. Longtemps après le livre des juges. Il fika badaye kisha kitabu ya uamuzi. C'est-à-dire pour que je comprenne si Dieu est ce que Dieu est réellement notre juge. Ili nielewe kama kweli Mungu anakuwa mwamuzi wetu. Je dois rentrer dans le livre des juges. Napaswa kurudia mu kitabu ya uamuzi. Pour comprendre comment Dieu est notre juge. Ili nielewe namna gani Mungu anakuwa mwamuzi wetu. Alors la technique on va y aller rapidement avec moi. Twende haraka kabisa kwa kibao. Les écrans qui sont de part et d'autre. Mwangalie ni kibao ngambo na ngambo. Juges chapitre 2 verset 16. Mwamuzi sura yake. Et Juges chapitre 2 verset 18. Na sura ya pili tena sisi ili tunafaka ingilio. Le livre de Juges est un livre particulier. Kitabu ya Waamuzi inakuwa ni ya upekee tu. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Maana yake wakati mmoja fulani. Il y a eu des juges. Kulikuwa Waamuzi. Mais quand Dieu dit qu'il est notre juge. Wakati ya Mungu anasema ni Waamuzi wetu. Dieu nous fait comprendre que le travail que ces gens faisaient. Mungu anapenda kutuelewesha kama ile kazi wao walikuwa wanafanya. C'est lui Dieu qui le faisait. Yeye Mungu alikuwa anafanya nafasi yao. Et il continue à le faire encore aujourd'hui. Anaendelea kuifanya tena hata masiku za leo. Juges chapitre 2 verset 16. Waamuzi sura ya 2 mstari wa 16. La Bible dit que l'Éternel suscita des juges. Biblia inasema Mungu akalamusha tena waamuzi. Afin qu'il délivrasse de la main ceux qui les pillaient. Ili atoshe okowe kubale balikuwa na bapika njara. Donc le travail du juge. Maana yake kazi ya mwamuzi. C'était de délivrer Israël. Ni kuokoa Israeli. De ceux qui pillaient Israël. Kubale balikuwa na pika njara ku Israeli. Ça j'aime bien aimé. Napenda maneno hayo wapendwa. Le travail de Dieu en tant que juge. Kazi ya Mungu kama mwamuzi. C'était de nous délivrer. Ni kutuokoa. De tous ceux qui nous pillent. Na kwa wale wote ambao tunyang'anya vitu. Tous nos ennemis. Na kwa wale wibetu bato. Il va se lever à un moment donné. Anaweka simama wakati yenye eneya. Siffle et dit ça s'arrête. Anapika firimbi na biote inasimamia pale. Alors le verset 18 nous explique encore. Sasa shahidi ya 18 inasema tena hivi. Juges chapitre 2 verset 18. De 18. Mettez maintenant 18. Lorsque l'Éternel leur suscita des juges, l'Éternel était avec le juge. Donc Dieu était juge. Et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Or le juge humain sont mortels. Mais l'Éternel, le vrai juge, il est l'Éternel hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi si l'Éternel est ton juge, tu es garanti. Ah, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements. Contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Donc, quand Dieu dit qu'il est notre juge, Dieu veut nous faire comprendre certaines choses. Que le travail des juges, c'est le travail de Dieu. C'est comme ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui, suivez-moi bien. Parce que Dieu veut visiter quelqu'un ce matin. Pendant que nous serons en train de prier. Il y a un juge ce matin. Devant tous les ennemis qui oppriment ta vie. Suivant les types de juges qu'il y a eu, chacun reflète le type de la personne de Dieu. Chaque juge, le travail qu'il faisait, reflète le type de la personne de Dieu. C'est comme les quatre évangiles. Reflète les quatre faces de Dieu que nous trouvons dans Apocalypse. Matthieu parle d'un Dieu roi. La face du roi. Marc. Marco Naye. Il nous parle d'un Dieu, quand vous lisez l'évangile de Marc, Dieu se met directement à travailler. C'est l'image, la face du bœuf. Il travaille. Troisième face. Luc. Il dit, je t'écris à toi mon ami Théophile. Comme j'étais écrit dans la lettre précédente, après avoir fait des recherches, il a démontré que Jésus est un homme qui est né d'une femme. Il a vu Jésus là où il a vécu. Jésus a mangé. Il a mangé le poisson. La multiplication de poissons, Luc chapitre 5, Jésus mange le poisson. Luc chapitre 24, Jésus mange le poisson. Il pêche, Jésus mange le poisson. C'est l'image de Jésus homme. Et Jean, il dit au commencement. Anasema tangia mwanzo. Il rentre au commencement. Anarudia ku mwanzo ya maneno. Il va très loin. Anaenda mbali kabisa. Il parle de la parole. Anasema kuhusu neno. Il parle de la prophétie. Anasema kuhusu matabiri. C'est l'aigle. Huyu anakuwa ni tai. Il est monté très haut. Alipanda yulu kabisa. Pour partir au commencement. Ili arudie tena ku mwanzo. Ça, c'est les quatre évangiles. Ini mainjili ine. Je n'en parle pas. Tuta atu esu kumuzi ya tena. Vous faire seulement cette parenthèse-là pour parler de chaque type de juge que nous avons connu. Et ici, j'aimerais être un peu plus rapide pour avancer. La technique peut être avec moi. Donc, nous allons parcourir le livre des juges dans quelques minutes. il y a eu plusieurs types de juges. Et chaque juge représentait le travail de Dieu. Je prends le premier juge qu'il y a eu. Tunabeba muamuzi wa kwanza. Othniel. Jina yake Othnieli. Je suis dans Juges chapitre 3. Comme kitabu ya waamuzi sura yake ya 3. À partir du verset 7 jusqu'au verset 31. Toka mustari ya 7 hadi ya 31. On parle de Othniel, Ehud et Shamgar. Wanatusungumzia Othnieli, Ehud na Shamgar. Voilà le premier type de juge. Injo aina na wale kikundi ya kwanza ya waamuzi. Le premier type de Jésus-Christ, de Dieu comme juge. Injo kikundi ya kwanza ya waamuzi kama Yesu waamuzi. La technique Juges chapitre 3 verset 8. Waamuzi sura yake ya 3 mstari wa 8. La Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il est vendu entre les mains de Kusham Rishadaïm. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans d'esclavage. 8 ans d'esclavage. Le verset 14. Shaili ya 14. Non, ça c'est le verset 8. Shaili ya 8. 8 ans d'esclavage. Miaka minane ya utumwa. Le verset 11. Mustari ya 11. Avec Othniel. Pamoja na Othnieli. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Muji ilipumzika kadiri ya miaka 14. Donc 8 ans d'esclavage. Miaka 8 ya utumwa. Le repos est venu pendant 40 ans. Pumziko ilifuata baadaye miaka 14. Maintenant Othniel. Sasa wakati ya Othnieli. Le repos pendant 40 ans. Ilipata mapumziko 14 ya miaka. Ehud. Ehud naye. Ils étaient esclaves pendant 18 ans. Barikuya batumwa kadiri ya miaka 18. Et ils ont eu le repos pendant 80 ans. Na baripata mapumziko kadiri ya miaka 18. Les juges ont donné le repos. Waamuzi barileta usalama. Alors le premier juge c'était quoi son combat? Waamuzi wa kwanza vita yake ilikuwa ni nini? Il devait délivrer Israël du roi de Moab. Alipaswa aokoe Israeli katika mikono ya mfalme wa Moab. Donc le premier type de Jésus-Christ, de Dieu comme juge. Aina ya kwanza ya Yesu kupitia waamuzi. Il nous délivre du roi de Moab. Anatuokoa kutoka kwa mikono ya mfalme wa Moab. Quand on est à Moab. Wakati tuko upande ya Moab. On est maudit. Pale unalahaniwa. Moab. Moab. C'est une malédiction. Il n'y a ni pitié à malak ya lahana. J'ai pas les détails. C'est dimanche. Je vous donne les essentiels. Atu tengia muketo zaidi na sema tu bitu ya mafa. Moab est né de la relation entre qui? Moab alizalika katikati entre Lot. Ya mapatano ya Loti. Et sa fille aînée. Na mtoto yake mwanamke wa kwanza. Parce que la femme de Lot était décédée. Mke wa Lot alizo kufariki. Et la tribu de Moab. Na kizazi wa kabila ya Moab. C'était une tribu qui vivait sous la malédiction. Ni kabila ilikuwa naishi chini ya lahana. Tous ceux qui allaient chez Moab. Wale wote walikuwa wanaenda kungambo ya Moab. Étaient liés par la malédiction. Baliweza kukamatwa na hii mikosho na lahana. Dans la Bible, dans le livre de Ruth. Mukitabu ya Ruta. Vous voyez un père qui prend sa femme et ses deux enfants. Mwanamke anabeba mke wake na baki watoto wawili. Vous connaissez Maslon qui jonne. Na yua kilishona na ils partent à Moab. Banaenda kungambo ya Moab. Quand ils vont à Moab. Banafika pale Moab. Le père meurt. Baba anafariki. Et les enfants meurent. Na watoto pia banafariki. La femme reste veuve. Mwanamke anabakia peke yake bila mume. Non seulement veuve. Aina tu bila mume wake. Elle reste veuve pauvre. Anabakia mjane na bila na maskini tena. Ça c'est Moab. Hii ni picha ya Moab. Ils sont venus dominer Israël. Balikuwa kutawala Israeli. Pendant 8 ans. Kadiri ya miaka 8. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Batoto Israël bamlalamikia wa milele. L'Éternel a suscité un juge. Wa milele alilamushako mwamuzi. Dieu est entré dans un juge. Mungu aliingia ndani ya mwamuzi mmoja. Othniel. Jina yake Othnieli. Ehud. Na Ehud. Dieu est entré dans le juge. Mungu aliingia ndani ya mwamuzi. Dieu est devenu le juge. Mungu peke alikuwa mwamuzi. La Bible dit que c'est le l'Éternel notre juge. Pour partir délivrer Israël. Oh bien-aimé. Basi mupendwa. Il n'y a pas de délivrance de Moab. Hakuna ufungulivu ya Moab. Si Dieu n'intervient pas. Kama Mungu asaidie. Prenez l'exemple de Ruth. Unaita mfano ya Ruta. Au chapitre 3, au chapitre 4. Kwenye sura yake ya pili na ya ine. Elle ne pouvait pas être délivrée à Moab. Hakuweza kuokolewa toka Moab. Elle devait quitter Moab. Wa milele alipasa kutoka kwa Moab. Et rentrer à Bethléem. Na kurudia mu Bethléem. Parce qu'il y a le pain. Sababu mule mnakuwa mkate. Et le pain de vie c'est Jésus-Christ. Na mkate ya usima ndiye Yesu. Et quand elle est rentrée à Bethléem. Wakati arudia tena mule mu Bethléem. C'est alors qu'elle a rencontré Boaz. Ipana alikutana na Boaz. Le vrai juge. Basi mwamuzi wa kweli. Le juge. Aina ya Mwamzi. Boaz a appelé tout le monde. Boaz elita batu bote. Il a dit qui va prendre Ruth. Senera tambeba Ruta. Personne ne voulait prendre Ruth. Akuna alipenda kumbeba Ruta. Il enlève sa chaussure. Akatosa kiato yake. Si je mets ma chaussure ici. Asenaweka kiato yangu hapa. Si vous voulez pas prendre Ruth. Kampenda kumbeba Ruta. Je la prends. Mimi namchukua. C'est comme ça que Boaz a pris Ruth. Jo vile Boaz alimbeba Ruta. Ruth est devenue la femme de Boaz. Ruta alikuwa mke wa Boaz. Or Boaz. Japo Boaz. C'était l'homme le plus riche. Alikuwa ni mtu mtajiri kabisa. Il avait le droit de rachat. Yeye alikuwa na ruhusa ya kukomboa. Boaz. Basi Boaz. C'est le type de Jésus-Christ. Na yeye alikuwa ni picha ya Yesu. Donc il a arbitré. Yeye alikata mambo. Les gens ont refusé. Watu walikataa. Boaz a pris Ruth. Yeye Boaz alimbeba Ruta. Il est devenu juge. Alikuwa mwamuzi. Il a défendu Ruth. Alimsemelea Ruta. À partir de Boaz. Atakia wakati ya Boaz. A eu un enfant. Na yeye alizala naye mtoto. Il a eu un enfant. Alizala mtoto mmoja. Cet enfant. Ule mtoto. Le père de Isaïe. Alikuwa baba yake Isaïe. Isaïe le père de David. Isaïe baba yake ya Daudi. Donc la délivrance. Mane yake ufungulivu. Est venu. Ulitoka. Quand elle a quitté Moab. Wakati alitoka ku Moab. Oh ce matin. Basi asubuhi ya leo. Il y a des gens. Koko watu. Qui sont dominés. Balisa tawaliwa. Par des malédictions dans leur vie. Kuma mikoshi mbalimbali maisha yao. Il y a une bonne nouvelle ce matin. Leo kuna kwa habari njema mzuri. Le vrai juge vient de s'élever. Ati waamuzi wa kweli anashuka. Le vrai juge vient de s'élever. Waamuzi wa kweli ni Mungu. L'Éternel est notre juge. Wa milele ndiye mwamuzi wetu. L'Éternel est notre juge. Wa milele ndiye mwamuzi wetu. L'Éternel est notre juge. Wa milele ndiye mwamuzi wetu. L'Éternel est notre juge. Wa milele ndiye mwamuzi wetu. Si Ruta a été délivré. Kama kweli watu wakolewa. Na wewe pia. Je déclare. Nasema. À partir d'aujourd'hui. Naingia leo. Fini la malédiction. Si yote na malidika. Because yote nesa maisha yako. Hata miliangakia kwa baba yako. Hata milelekea kwa bazazi yako. Because yote nesa mama. Babu wa milele. Anakuya mwamzi. Alisimama. Il y a des familles. Kuko machamba na ingine. Ils sont maudits. Balisa laeniwa. Tu ne connais même pas d'où venait la malédiction. Au yule mikosi natokea wapi. Mais tu vis la malédiction. Ukunaishi chini ya mikosi. Tu vis la malédiction. Ukunaishi ni lahana. Oh bien aimé, il y a une bonne nouvelle. Pendo kuna kwa habari njema leo. Ruth ne savait pas. Kama Ruta kuyua. Elimelech ne savait pas. Elimelech naya kuyua. Maslon ne savait pas. Maslon naya kuyua. Kilijon ne savait pas. Kilijon naya kuyua. Ils ont vécu. Na baliishi. Les effets. Matokeyo. De la malédiction. Ya mikoshi. Il y a des gens ici. Kuko batu wengine. Ne savent pas. Abajue kitu. D'où vient les malédictions dans leur vie. Mikoshi natokea wapi maisha yao. Alakini beko naishi. Les effets de la malédiction. Chini ya mikoshi. Là où tu pars. Kule uko naenda. C'est Moab. Ni ku Moab. Le roi de Moab. Ni sheria ya Moab. Pourquoi? Non, il y avait un problème avec Lot. Kulikuwa mambo na Loti. Est-ce que moi j'étais là? Non. Ni wakati nilikuwa yako hapana. C'est mon père. Ni baba yangu. C'est ma mère. Ni mama yangu. Mais pourquoi je dois vivre ça? Kwa nini napaswa kuishi ile maneno? Pourquoi le juge se lève? Afadhali mwamuzi asimame. L'Éternel le vrai juge. Wa milele mwamuzi wa kweli. Se lève ce matin. Anasimama asubuhi ya leo. Libere et couper les liens des malédictions. Afungure na kate mikosi yote. Umaisha ya watu mengi. Au nom de Jésus. Uchina na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Il y a eu aussi un autre juge. Kulikuwa tena mwamuzi mwingine. Deborah. Deborah. Je suis dans Juge au chapitre 4. Kwa kitabu ya Mwamuzi sura ya 4. Deborah est devenue juge. Deborah naye alikuwa mwamuzi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Atutengea katika uketo ya maneno. Deborah était juge. Deborah naye alikuwa mwamuzi. Parce que Israël était dominé par les Cananéens. Sababu Israël tawaliwa na bantu wa Kanana. Israël était dominé par les Cananéens. Alitawaliwa na watu wa Kanana. Juge chapitre 4 verset 1 à 2 je pense. Mwamuzi sura ya 4. Juge chapitre 4 verset 1 à 2. Mwamuzi sura ya 4 sheli ya kwanza odi ya pili. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Watoto wa Israeli abakumpendeza wa milele. après qu'Ehud fut mort. Verset 2. Kisha Ehud yaweza kufariki. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui était à Sor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Aroshet Goïm. On peut s'arrêter là dans un premier temps. Donc les enfants de Canaan, les Cananéens sont venus dominer. Encore un problème. Je ne vais pas rentrer dans l'origine de Cana avec Noé et Cham, Noé. Bon, il y a le frère Japhet ici, Kassala Netien. Donc, Japhet, quoi, il y a un mambo à pan. Japhet, tout ça, vous connaissez l'histoire. Il y a un mambo yote, Vileiko. JPC et Kodim, on connaît ces choses-là. JPC et Kodim, on connaît les mambo yote. Il y avait un problème. Par où il y a un mambo pan? Cham, c'est Cananéen, Cana. Cham, John, quoi, ni Canaan. Mais je relève deux choses. Nan, ton chako bit mbili. La première chose. Na kitu ya kwanza. Nombre au chapitre 13. Tukumu kitabu ya Hesabu sura ya 13. Moïse va envoyer les 12 espions à Canaan. Musa anatuma wapelelezi 12 mu Canaan. Ils partent à Canaan. Banaenda mu Canaan. Quand ils rentrent. Wakati bairudia. Moïse non, nous on peut pas aller. Sema sisi hatarudia tena kule. Là Canaan. Kule ku Canaan. On a vu des géants, les enfants d'Anak. Tuliona wanefili bana banaki. Nous étions devant leurs yeux comme des sauterelles. Mbele yabo tulionekana kama wapanjo. Pas seulement devant leurs yeux. Ça va belle ya macho. Quand on les regarde. Attends, si c'est tu bangalia tu. Nous étions nous-mêmes à nos yeux. Tu lui on a cara comme tu mapanjo mbele ya. Et si vous lisez bien l'histoire de Deborah, vous allez comprendre. Que ce même vizuri a dit si ya Deborah mtelewa vizuri. Il va dire si c'est par toi, il dit non non. Par, il dit non, je ne pars pas si toi Deborah. Asema kwenda sasa si taenda kama wewe Deborah. Tu ne viens pas avec moi. Au kuye pamoja nambi. Deborah dit mais si je viens mais la gloire ne va pas t'appartenir. Deborah asema kama unaenda utukufu haitakuwa yako. Ile aina baba. Ce que je retiens. Ile na shikako. C'est que les enfants de Canaan. Manake batoto ya Canaan. Ont dominé sur Israël. Baritawala yulu ya Israeli. Pourtant Israël devait dominer Canaan. Japo Israël pasa kutawala yulu ya Canaan. Josué chapitre 1 verset 3. Yoshua sura ya kwanza, Biblia inasema hivi. Mnaiona mstari huo. Pahali pote utakanyanga miguu yako. Mimi nakupatia. Quand tu vas entrer à Canaan. Wakati utaingia mu Canaan. Mais comment ils sont entrés? Namna kani baliingia. Au lieu que Dieu les donne qu'ils dominent. Kabla Mungu awapatie watawale. C'est Canaan qui domine. Sasa ni Canaan alitawala yulu yao. Il y a des personnes ce matin. Kwa watu wengine asubuhi ya leo. Qui vivent des situations inverses dans leur vie. Bebo naishi kipindu pindu maisha yao. Là où j'étais censé régner. Pale wao walipaswa kutawala. Comment ça régner sur toi? Wanaanza kubatawala sasa. Tu pouvais régner dans ton mariage. Kutawala mundoa yako. Mateso napita mundoa. Aya, trop de souffrance dans ton mariage. Régner dans ton travail. Kupasa kutawala mukazi yako. Mateso napita. Trop de souffrance au boulot. Ce matin. Anakini asubuhi ya leo. Il y a une bonne nouvelle. Unakuwa habari njema. Il y a une bonne nouvelle. Uko habari njema. Il y a le vrai juge. Uko mwamuzi wa kweli. L'Éternel va se lever. Wa milele yeye atasimama. Comme arbitre. Kama mwenye atakata mambo. Bali Bwana tawala juu yako. Ne va plus dominer sur toi. Aba tawala tena juu yako. Tu devais marcher. Bali unapaswa kutembea. Tu vas marcher. Unitatembea. Le vrai juge. Sababu mwamuzi wa kweli. Il s'est levé. Alléluia. Amen. Troisième juge. Mwamuzi wa tatu. Gédéon. Gideoni. Ça, je passe rapidement parce qu'on en parle. Haraka sababu tulisungumzia kabisa. C'était Madian. Alikuwa ni wa Madiani. Nous sommes déjà dans Juges chapitre 6. Tuko mwamuzi sura ya 6. Prend 4 et 5. Tunakamata ine na ya tano. Deborah prend chapitre 4 chapitre 5. Deborah yanaweka sura ya tano na ya ine. 7, 8, sasa sura ya 6, 7 kufika hodi ya kenda. C'est Gédéon. Ile ni mambo ya Gideoni. Madian vient dominer. Madian anakuwa kutawala. Madian avait un seul objectif. Madian alikuwa na fukuzio moja. Détruire la semence. Kuharibisha ile panda. Si tu veux détruire la vie de quelqu'un, comme on appelle kuharibisha maisha ya mtu, détruis la semence. Haribisha kwanza mbeko yake. Quand il rate la semence, wakati anaharibisha mbeko, il détruit la production. Pale anaharibisha tena matokeo ya ile mbeko. Toi qui ne sème pas, wewe upendeke kupanda, tu es en train de détruire ta vie sans le savoir. Pale unaharibisha maisha yako bila kujua. La semence, c'est le seul principe. Je rentre dans Genèse. Dieu a créé les arbres et la semence pour que le manguier ili muti donne les mangues ya embe izale ma tunda ya embe ili papaye ili muti ya papai donne la papaye na itoshe matunda ya papai. Un jour j'arrive quelque part, siku moja nifika pa nafasi moja, je pose la question, na uliza ku i papai i mucha papai ni en swahili mucha papai muti ya papai. Mucha papai, aitoshi ma papai juani. Ce papai ne fait pas produire le papai, pourquoi? On me répond carrément que nous mwanaume. Ben y'a pas ça, non non, ni qui anaume, muchi mwanaume. Tu as déjà entendu ça? Ouais ouais. Donc akitoshi ma papai. Donc ça ne produit pas de fruits de papai. Moi j'ai dit mukikat. J'ai dit en tout cas, il faut le couper. Na muchi mwanaume. Tu as besoin d'un mythe que tout ça du papaye. On a besoin d'arbres là qui produisent des papayes. Imaginez-vous comment ma mythe y ôte ma papaye comme il y en a. Imaginez-vous si tout arbre là ne produisait pas de fruits. Dans ta vie. Manaka maïsa yako. Si tu ne sèmes, si la semence s'arrête. Kama mbeku aitote ne kitu. Il y a des signes qui te montrent que attention. Kokomala mingi ta wose ma pazo. La mort est entrée dans ta maison. Apa qui faut qu'il ngiam nyumba yako. Tes affaires. Qui faut qu'il ngiam vya sare yako. Dans ta vie. Qui faut qu'il ngiam maisha yako. C'est quand il n'y a plus de semences. Pale kama mambeko haina ko tena. Et quand tu bouffes toujours la semence. Kama wewe mbeko yenyewe tena uko naikula. Frères et sœurs. Nduku na dad. J'ouvre une parenthèse, j'exhorte l'église. Nafungula kumukato. Nasubutisha kanisa. Les dîmes et les prémices. Kwa ajili ya kulipa malimbuko na chekumi. J'ai constaté que la liste des gens qui donnent les dîmes a diminué le nom. Niliona kama majina ya daftari ya kuleta chekumi kuma shemasi. Des diacres. Ya bashemasi. Qui donnent pas leur dîme. Abalete ma chekumi yao. Des anciens. Basé à Kanis. Qui ne donnent pas leur dîme. Abalete chema chekumi yao. Les kichakazi. Ba servante. Servante. Servante. Qui ne donnent pas leur dîme. Abalete nabo chekumi yao. Je prie. Niko naomba. Je prie. Niko naomba. Je mets, pour le moment, j'ai pris la résolution de mettre cette liste dans ma Bible. Napenda kuweka ile daftari ndani ya Biblia yangu. Partout je suis, je prie pour ça. Pahali pote niko naiombea. Mes bien-aimés. Wapendwa. Ne donne pas la dîme seulement quand c'est beaucoup. Hapana kuleta chekumi kama inakuwa paka ya mingi. Donne. Wewe leta tu. Quand tu manges la semence. Wakati unakula mbegu. Toi-même tu t'es dit que non, mimi sipende tena kupata. Donc là, tu dis que je ne veux plus encore avoir le fruit de mangue. Ce que j'ai consommé, c'est fini. Tu amènes la mort dans ta vie. Pendant l'état qu'il faut, mon maïcha yako. Je nous exhorte. Tu n'as dit subutisha wote. Je nous exhorte. Tu n'as dit subutisha wote. On n'a pas dit que la dîme, c'est le dixième du salaire. Aba kusema kama chekumi ni ile moya kumi ya mshahara. N'est-ce pas? La dîme n'est pas le dixième du salaire. C'est kumi haina mumoja ya kumi ya mshahara. La dîme. Manake c'est kumi. C'est le premier dixième. Manake ni ya kwanza ile mumoja ya kumi. Du revenu. Ya ile mapato unapata. Dans ce qu'on me donne qui me revient. Ile wananipatia ile inakuwa yangu mimi. On peut faire un deal. Un deal. Tu veux dire que maneno? Deal. Comment? Ah, tu veux dire fanya biashara, tu veux fanya kazi. On fait un business. Tu na fanya kazi moyo fulani. Nous répartissons 50-50. Tu na patiana makumi tano, makumi tano, makumi tano. $50 qui me revient. Ile $50 ki marekani inakuwa yangu. Avant même que je ne fasse autre chose. Kabla nifanye chochote. J'enlève les $5. Na tosa kwanza $5 ki marekani. C'est Dieu. Joy inakuya ya je Mungu. Je crois que Dieu m'a donné la force. Na mimi aka Mungu alinipatia nguvu. De faire ce deal là, de faire ile kazi. Je crois que Dieu m'a donné le souffle de Mungu alinipatia pumzi ya uzima. Na nampatia chekumi yake. Si tu attends que ça soit à la fin. Kama unachunga ifike kumwisho. Utakuwa na difficulté à couvrir ta dîme. Tu auras une difficulté pour payer ta dîme. Parce que la courbe des dépenses. Sababu namna ya kuweza kuuza vitu wala kutosha fedha est toujours supérieur à la courbe des recettes. Inekalaka paka ya yulu kushindia ili unaweza kupata. Leo on a kulipa $100. Aujourd'hui on te paye $100 comme salaire. On a dépensé 200. Toi tu dépenses 200. On a donné à 100. Là tu as un crédit de 100. Bah, ningu, ah, pana. Comment tu vas n'arriver pas 500? En tout cas si on me payait $500. Mambo yangu inaisha. Là maintenant je vais tout terminer. On t'a kulipa 500. On te paiera $500. On a dépensé 800. Là tu vas dépenser plus que ça. Même à 800. Dieu me voit, mon épouse est là. Mungu unanyona mukanga upande. Mimi nafanya kazi siku zote. Siku ile tu baniongezea 10 dola kimarekani tu pa mshahara yangu. Nasemea kwa ajili ya 10 dola. Alao na veki vraiment des difficultés. Je parle en termes de 10 dollars d'ajout. Naomba tu baniongezea kwa 10 dola kimarekani. Parce que mandeni. Parce que les dettes. Unazala mtoto, il faut kunywa majibu. Tu commences, vous avez un enfant là, il faut qu'il prenne le lait. Il prend de lait chaque fois à crédit. C'est Dieu qui nous aide seulement que l'enfant a bien grandi. Je vous dis. Il y a les enfants qui sont nés toujours dans les dettes. Toi, tais-toi. Tais-toi seulement. Tu ne connais pas ce qui s'est passé. Une fois l'an. Mon dit pas mal à moi que moi comme Zima. Si je papa, mais quand il deux fois, mais il a formé deux fois, quand il trois fois, comme moi. Mais ça n'a pas arrêté de faire les enfants. Et quoi, ça coûte chimami, ça tourne les batoto. Batoto, on passe dans la couiche. La dette. Pas comme Mandeni. Les jours où on te paye. Il est si que ça, c'est pas la coulipa. Tu prends tout le salaire. On a même un char à yote. Tu payes la dette. On est dans la coulipa, Mandeni à battre. Tu dis, Minanzou Landeni. Maintenant, tu dis que je recommence encore avec des dettes. Maintenant, aujourd'hui, quand on dit non, louer le Seigneur. Kamale Mansema, tu m'sifu bouan. Frère. Nuko yang. Quand vous voyez quelqu'un s'asseoir par terre, quelqu'un en train de prier. Ton amour, quand tu es calat. Par quoi ça combat? Il se dit seulement, Nimungu. Il dit qu'en tout cas, ce n'est que Dieu. C'est grâce à Dieu. Donc, Madian a attaqué Israël. Madian a quoi chambouli à Israël. Dieu a suscité Gédéon. Mungu ne mulamusha Gideoni. Un autre juge. Mwamuzi mwingine tena. Jefté. Yefute. Vous connaissez l'histoire de Jefté. On a eu un mambo ya Yefute. Et même quand vous regardez le vœu de Jefté qui l'a fait. Mukiangari attaque yapo ya Yefute. Que non, non, celui qui viendra le premier. Kama ulatakuya wa kwanza. Je vais le sacrifier à Dieu. Minta mu to mbele ya Mungu. Pendant qu'il terminait de parler. Wakati alimaliza kusema kwake. C'est sa fille aînée qui est venue. Ni msichana wake wa kwanza alikuya. Yefute anajibamba. Kwa nini nifanya kiapo ya hivi? Il faut être un sage dans les vœux qu'on fait à Dieu. Ata mufan kiapo kuyako na hekima. Il a accompli. Ari timiza ile. Mais à l'époque de Jefté. Kwenye wakati ya Yefute. Ils étaient dominés par les Ammonites. Bali tawaliwa na bantu ya Amoni. Et les Ammonites adoraient Moloch. Na bantu ya Amoni balikuwa na abudu Moloch. Et le dieu Moloch. Uyu Mungu Moloch. Il aimait les sacrifices humains. Alipenda masadaka ya bantu. Donc il y a des moments dans la vie. Kuko wakati ngine mu maisha. On cherche le sacrifice humain. Bora tafuta paka sadaka ya bantu. C'est ça la mort. Injo kifo. Livrer les gens à Moloch. Kutoa bantu mbele ya Moloki. Les sorciers. Walozi. Qui cherchent les sacrifices humains. Bora tafuta matoleo ya bantu. Qui crée la mort. Beko na leta vifo. Oh, je bénis le Seigneur. Hapa na mbariki Bwana. L'autre dimanche j'étais à l'aéroport. Ile jume lipita nilikuwa ku kiwanja ya ndege. Je suis le pasteur Samuel ici. Ni kwenda kupita hapa na sasa. Parle de l'agenda. Alikuwa anasema mambo ya karatasi. Il y a le calendrier. Kuna kuya kalendario. Il y a le lieu. Kuna kwa nafasi. Les acteurs. Unakuwa na watendaji. Pour accomplir l'agenda. Ile batimize ile karatasi. Donc la mort. Maana yake kifo. C'était ça Moloch. Les gens livraient leurs enfants. Dieu Moloch. Comment résoudre ce problème? Il faut seulement qu'il y ait un juge. Baka mwamuzi akuyepo. Jefté. Yefute. Il faut qu'il y ait un juge. Fazali mwamuzi akuyeko. Qui a été rejeté. Mwenye aliweza kutupuliwa. Et qui est parti être cherché. Alienda kisha, alitafutiwa tena. Qu'on rejetait les bâtisseurs. Basi jiwe ba jengaji balitupa. Est devenu la principale de l'arbre. Ilikuwa jiwe la pembe ya majengo. Jefté était rejeté. Yefute aliweza kutupuliwa. Étant né d'une femme prostituée. Baba alizaliwa kwa mwanamke mkahaba. Mais quand il y a eu des problèmes. Wakati mambo lifika. On est parti chercher Jefté. Balienda kumutafuta Yefute. Comme juge. Yeye uwe mfu. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Si tu as rejeté la pierre. Si tu as rejeté Dieu comme juge, ce matin, pour sauver ta vie, reviens à l'Éternel. Il y a eu d'autres juges. On n'en parle pas beaucoup. Mais je passe au dernier. Samson. Dieu Samson. Samson. Samsoni était revêtu de l'Esprit de Dieu. Donc c'est Dieu qui faisait le travail de juge à travers Samson. Et c'est comme ça que quand l'Esprit est sorti, il n'a plus fait le travail de juge. Et quand l'Esprit est revenu, il a fait le travail de juge. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui est le vrai juge. Samson. Samsoni devait délivrer Israël des Philistins. Allez, parce que quoi, Israël est au camp du Moyen Philistini. Il devait délivrer Israël des Philistins. Allez, parce que quoi, Israël est au camp du Moyen Philistini. Je prends deux choses qui sont passées chez les Philistins. La kamatambi tumbili lipitika na kungamba wa Philistini. La première chose c'est dans 1 Samuel. Kintu yakwanja mu Samuel wa kwanza. L'arche de l'Éternel. La gloire de Dieu est partie chez les Philistins. Quand les deux fils de Eli, c'est dans 1 Samuel chapitre 3, 4, 5, qu'elles ont crié, la gloire est partie. Ils ont amené l'arche de Dieu. Et les Philistins ont bloqué l'arche de Dieu. Mais quand l'arche était chez la maison de Dagon, Dieu s'est levé comme arbitre lui-même. Eux-mêmes ils ont dit, non, on ne peut pas garder l'arche. Ça doit rentrer. Ça doit rentrer. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de la force de quelqu'un. Lui-même, il est arbitre. Lui-même, il est arbitre. Je prie ce matin, dans ta vie, même si tu n'as pas d'appui, Dieu lui-même sera ton arbitre. Les Philistins ont libéré l'arche eux-mêmes. Donc d'abord, ils ont bloqué la gloire de Dieu. Il y a des gens, leur gloire est bloquée. Leur étoile est bloquée. Ils ont l'étoile. Ils ont la gloire. Et on doit prier ce matin pour ces choses. Ton étoile doit prier. Ta gloire doit prier. Mais les Philistins, ils ont bloqué ta gloire. Ils ont bloqué ton étoile. Il y a un juge. L'Éternel Dieu. Un deuxième personnage qui s'est levé chez les Philistins. C'est Goliath. Des Philistins. Goliath est un Philistin. Un géant. Ne fili wa kwe. Qui a terrorisé tout le monde. Ali wongo pesha bantu yote. Mais qui s'est levé. Alakini na yalisima. Oh, ce matin. Basi asubu ya leo. Il y a les Goliath de nos vies qui vont tomber. Kuba Goliath wa maisha yetu sherti banguke. J'ai dit qu'il y a des Goliath. Nasema kuba Goliath wa maisha yetu sherti banguke. Les Goliath de nos vies vont tomber. Ba Goliath wa maisha yetu baka banguke. Ils vont tomber. Leo batanguka. Ils vont tomber. Akika batanguka. Les Goliath vont tomber. Ba Goliath batanguka. Samson n'a pas éliminé tous. Samson ya kumaliza bote. Il en a laissé un peu. Allez, attaque au Benguine. Le reste là. Et il est mabaki. Engendré Goliath. Ah, Goliath, il est là, Goliath. Il fallait un autre juge. Il n'y a pas choix, Mwamzi Mungine. David. Die, pour David. Éliminer Goliath. Je vais m'aliser Goliath. Tout ce qui est resté. Il est yote libakia. L'Éternel veut s'élever aujourd'hui. Pour éliminer les Goliath de nous. Il y a malise ba Goliath, bote ba maisha yetu. Ce qui est intéressant avec les Philistins, na wa Philistini, Dieu est un Dieu de principe. Mungu ni Mungu wa makanuni. Ils prennent l'arche, banabeba sanduku langano. ils prennent la gloire de Dieu. N'est-ce pas? La gloire est partie. C'est comme ça quand on dit à la femme, quand ils apprennent la nouvelle que non, l'âge est prise, il met l'enfant au monde. Et il donne le nom que la gloire est partie. Mais quand David va vaincre Goliath, sans le vouloir, la gloire revient. Les femmes commencent à chanter elles-mêmes. David a tué 10 000. Saül a tué 1 000. Ça signifie que quelque part, Goliath, c'était un point de passage pour la gloire de quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a pas que les géants qui vont tomber. Ce géant-là sera un point de passage pour la gloire qui est en train de venir. C'est un point de passage pour la royauté que Dieu t'a préparée. Il ne va pas tomber par hasard. Il ne va pas tomber pour rien. Quand il va tomber, la gloire va revenir. Dieu, notre juge. Je récapitule. Je vais dire maintenant les deux derniers points et on va prier. Je récapitule. Plusieurs juges. 14 ou 7, ça dépend comment vous les groupez. Et chaque juge a livré un combat particulier. Et chaque délivrance, c'est un cas particulier. Nakila ufungulivu inakuwa tu ni aina yake ya upekee. Othnieli, Ehudi, ils ont livré un combat particulier. Walipika vita yao ya upekee contre le roi de Moab. Mbele ya mfalme wa Moabu. Othnieli, Israël a souffert 8 ans. Israël était seka miaka munane. Il a donné la délivrance pendant 40 ans. Nalipata ufungulivu na ukimia miaka 40. Israël a souffert 18 ans. Il a donné la délivrance pendant 80 ans. Ça me console quand même. J'ouvre une parenthèse. Le temps du repos est toujours supérieur au temps de la souffrance. Amen. Ah, je prie le Seigneur. Non, tu es malade aujourd'hui. Léo, que le temps du repos basi, wakati ya soit supérieur aux années de tes pleurs. Alléluia. Amen. Ça me rappelle le psaume 90. Le psaume de Moïse. Ni zaburi ya Musa. Il dit à Dieu, anamwambia Mungu hivi, réjouis-nous autant d'années utufurahishe kadiri ya miaka que nous étions dans le malheur. Ili tuliteseka muhali ya ole. Ou comme mina teso à 15 ans. Si j'ai souffert durant 15 ans. Fura yangu. Mais à Jésus quoi moins de 15 ans. Ma peine sera pas moins de 15 oh, ans. Oh mangaribi ya leo. Oh aujourd'hui. Fura yako. Oh ta joie à toi. Tu as bwingi mwa mateso yako. Tu dépasser le nombre de souffrances. C'est ça la justice de Dieu. Injo uhaki yake Mungu. C'est ça la justice de Dieu. Injo uhaki yake Mungu. 8 ans de souffrance. Miaka minane ya mateso. 40 ans de repos. Basi miaka 10 ya salama. Mimi nimeongeza 18 ans. Ila miaka 18. Mungu anaweka 4. Ana ajouté 80 ans de repos. Toujours allez, presque multiplié par 5. Manaka wana jumulisha ku 5. Alléluia. Amen. Fura yako. Ta joie à toi. Bwingi yayo. 5 fois ma tête. Ça sera 5 fois. Donc quand même la tête nous prend pas ta $100 $100. Si tu dis je souffre, mais tu trouves encore même $100. Même tu veux que Dieu te bénisse. Minimum. Le minimum. Minimum ni ngapi? Minimum c'est combien? 100 fois 5. 100 fois 5. Comment on atteint ça en 1000? Si tu souffres avec 1000. Minimum. Le minimum. Comment on atteint ça en 5000? Si tu souffres avec 5000. Minimum. Le minimum c'est combien? Comment on atteint ça en mutoto moya? Si tu souffres avec un seul enfant. Minimum. Le minimum. Les gens qui vont se marier, batoto basi. Bantu bengine batao watu, batoto tano. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu qui fait des choses. Injo Mungu anafanya kama neno ya hivi. Oui, il va faire fois 5. Atajumulisha Les enfants des enfants des enfants. Alléluia. Amen. Ça c'est l'Éternel Dieu. Ça c'est Othniel. Unjo Othniel. Après il y a eu Déborah. Qui s'est couru à Déborah. Déborah devait se battre contre les Cananéens. Déborah le pique en vite n'a battu à Canana. Les géants. Les gens qui dévorent leurs habitants. Oh bien-aimé. Bendoa. Ici, il s'agit d'un aspect terrible. Donc avec Othniel, c'est la malédiction. Aujourd'hui, Dieu veut régler le problème de la malédiction. Avec Déborah, c'est la terre. Les Cananéens. Dieu dit à Josué dans Josué 1:3, tout en don foulera la plante de tes pieds. Te te donc Dieu vient régler mambo ya bulongo. Dieu vient de donner une solution concernant les terres. Il y a certaines personnes, la terre ne les accepte même pas. Bulongo abo kuitiki ba mulikasi. La terre ne t'accepte pas, la terre de l'Élikasi. Léo. Ce jour, katika jina la au nom de Jésus, cette terre que nous piétinons, oh, ça va nous accepter. Ça va nous entendre. Oh, la terre de Kikula, là où tu travailles, oh, ça va t'accepter. La terre de la carrière, là où j'y vais, oh, ça va m'accepter. La terre de Congo, oh, tu puisses m'accepter. Au nom de Jésus. Jésus. Ça c'est Déborah. Ouyunjo, Déborah. Elle a renversé. Ali Badrissa vite. Banabeba mukuki. Ils ont pris une lance. C'est terminé. Kumupika tumana moya anamalisika. Cette terre. Njo i udongo. Toi nous accepter. Ina paswa kutukubali. Nous allons prier. Tunapenda kuomba. Pour que la terre t'accepte. Yakama budongo ikukuitika. Après Déborah. Kisha Déborah. Il y a eu Gédéon. Kurukuya Gideoni. Gédéon c'est Madian. Gideoni ni mambo ya wa Madian. La semence. Mambo ya mbeko. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Semence yako abata ikuria katika. Ta semence on ne va pas la piller au nom de Jésus. Les enfants c'est ta semence. Batoto ni mbeko yako. J'aime ce que le prophète Ézéchiel avait dit ici. Napenda yeye nabii Ézéchiel alisemaka hapa. Les semences restent les semences. Mbeko inabakia sawa sawa mbeko. Dans la vie. Maisha. Le problème n'est jamais du côté de la semence. Le problème est du côté de la terre. Mambo ikalaka kungambo ya mbeko iko ngambo ya budongo. Et la vraie semence. Na mbeko ya kweli ya mzuri. C'est la parole de Dieu. Dio neno la Mungu. C'est la parole de Dieu. Dio neno la Mungu. Après Gédéon. Kisha Gideoni. Il y a eu Jefté. Kulikuwa Yefute. Jefté. Yefute. Ni mambo ya kifu. C'est le problème concernant la mort. Les Ammonites. C'est la sorcellerie. Mambo ya buloji tu. Ils prennent les gens. Beko na chukua bana. Les brûlent et les livrent à Moloch. Bana ba beba, bana ba peleka kubatoa kwa huyu Mungu Moloch. Jefté anasema hapana. Jefté a refusé. Ça doit s'arrêter. Anasema sherti shimame. Ça doit s'arrêter. Hi hapana. Mais ça s'arrête. Iliko na shimama. Ici Jefté nous a introduit la notion de vœu. Yefute tungisha mu mambo ya kiapo. Pourquoi? Parce que qu'il faut. Parce que la mort. Qui n'a pas de quoi racheter. Ça doit être racheté. S'il y a un esprit de mort sur toi. Kama koko pepe ya mauti juu yako. Il faut un rachat. Afadhali ukombozi. Et même quand nous prions ce matin. Ata wakati kuna omba subu ya leo. Si tu sens la mort sur toi. Ukisikia kifo juu yako. Tu pries. Kuna omba. Fais un vœu de rachat. Fanya kiombo ya kukombolewa. Kiapo ya kukombolewa. Même avant qu'il y ait la guerre. Ata mbele kuingia muvita. Je te dis à Dieu. Yefuta na mwambia Mungu. Non, Dieu, mettons-nous d'accord. Mungu tukubaliane basi. Si tu me donnes la victoire sur les enfants d'Amon. Kunipatia ushindi juu ya bana ba Amoni. Alors moi aussi, je te ferai un vœu. Na mimi nitakufanyia kiapo. La victoire sur la mort. Ushindi yule yule wana wa Amoni enve même Dieu manake ni kiapo hata Mungu mwenyewe vaincre la mort kwa kuweza kupata ushindi juu ya kifo ifaye rasha ilifaye ukombozi anatoa il a offert anapata buzimu et puis la hi la vie sauve Abraham pour avoir la vie Ibrahim juu kupata buzima anatoa il a donné anapata buzimu puis la hi la vie frères et sœurs bien-aimés nous parlons et nous enseignons en même temps. Parce que nous vous aimons. Les gens qui ne savent pas travailler avec les vœux, les offrandes et sacrifices, vous allez remarquer, ils ne s'enrichissent jamais dans leur vie. J'étais dans une église en Afrique du Sud de Nigeria. Christ Embassy, j'ai fait 2 semaines là. Christ Embassy, nous faisons du mal à l'église. Les gens travaillent. C'est-à-dire que c'est des offrandes folles. Nima, toléo ya jab. Folle. Ya ma jab. Et pendant ce temps, je crois que Dieu m'a mis à l'épreuve. Quand il va quitter, Mungu niweka mukipimo. J'allais me dire, tu es pasteur? Je suis beaucoup pasteur, Dio. Non, non, toi tu vas dans ce groupe là. Wewe ndiye mwile kundi. Et dans ce groupe là. Na mwile kundi wa niweka. La responsable de groupe. Mwenye madaraka wa ile kundi. C'était la femme du DG de Vodafone. Alikuwa ni mke wa mkurugenzi wa Vodafone. Wa Vodafone. Vodafone. Chaque groupe quand se tukutoa. Mukila kundi le jukuta. Frère, vous avez amené quoi? Wewe nani ninduku? Non, non, moi en tout cas, je n'avais pas assez. Mais je suis quoi, Nabia Ming? Ah, je laisse ma jeep. Minacha Gariango Palé. Est-ce que tu n'as que joie? Je me suis dit, est-ce que Dieu, nous te connaissons suffisamment? Bon, vous pensez qu'elle avait des moyens. Ça va pourquoi, Nabana? Quand vous regardez la disposition de cœur, Okangari Utayari Wamoyo, ces gens travaillent. Balebantu Bekonatumika. Le dernier juge, c'est Samson. Mouamzi Wamouishundiye Samsoni. Il s'est battu avec les Philistins. Allez, pique vite dans les Philistines. Partout. Bahalipote ali kombana. Parce que les Philistins, ça va voir Philistini, ils arrachent la gloire. Donc on a beba utukufu. C'est comme ça que Barumto Bola na match. Ils ont plaqué, ils ont crevé les yeux. Quand ils n'avaient pas l'esprit. Wakatiro il mutoka. Mais quand Dieu est revenu comme juge, il a tenu les 2 pylônes. Alibamba manguzo yote mbili. Les cheveux ont commencé à pousser. L'esprit est revenu. La roya Mungu irudia tena. Et Dieu a fait des miracles. Na Mungu alifanya miujiza. Maintenant, comment nous allons prier? Tutaomba sasa namna gani? Parce que je veux qu'on prie. Napenda sasa tuombe. Dans toute l'histoire des juges, katika mambo yote kuhusu bahamuzi, il y a un problème. Muko mambo mulendani. Il y a un problème. Muko tatizo. Il y a un verset qui revient chez tous les juges. Kuko andiko moyo narudia kuba amuzi bote. Technique. Je vais commencer à lire. Vous allez suivre. Juges 2:11. Mwamuzi sura ya pili, shairi ya 11 à 14. 11 à 14. Ce que je lis ici, ça revient chez tous les 7. Hii unasoma hapa inarudia kwa wote 7. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ili kufurahisha wa milele. Ici je lis seulement en français. Tasoma kwa lugha tu moja. Verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Verset suivant. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et Astarté. Verset suivant. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Juges 3:12. Rapidement, Juges 3:12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Juges 4:1-2. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait... Non. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Ehud fut mort, verset 2. Verset 2. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régna à Hazor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harosheth-Goïm. Juge 6, 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Juge 13, 1. On termine par là. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Donc vous voyez, toute la période de juges, un verset revient. Les enfants d'Israël firent, ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livre. Donc, vous allez comprendre que pendant toute la période de juges, la première chose, ils ont abandonné l'Éternel. Abandonner l'Éternel, c'est introduire l'ennemi dans ta vie. Où en es-tu ce matin? Ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel te dit d'aller à Ninive. Toi, tu vas à Tarsis. L'Éternel te dit de servir Dieu à l'église. Toi, tu préfères faire ton business et abandonner le service de Dieu. Oh, frère. Ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Balifanya ile Mungu mupendeza. Un jour dans 2 Chroniques chapitre 29. Katika mambo ya siku de 29. Israël est arrivé à un point où les Lévites. Israël fika paka wakati wa Lawi. Banafunga na milango ya kanisa. Ils ont même fermé les portes de l'église. Hakuna pa kutumika. Il n'y avait personne qui travaillait. Priorité. La priorité, ma chambre et tout. C'était d'abord faire les travaux champêtres. Priorité, ma chambre. La priorité d'abord, c'est faire le champ. Ezekiel s'arrive. Ezekiel n'a rien à faire. Il pleure. Ananja kulia. Il dit, vous fungulez les milangs à Kanis. Il a dit, ouvrez les portes du temple. Ils ont ouvert. Bah, les fungulez les milangs. Bouchafou, la saleté partout. Kouya bouchafou kabisa. Il appelle les Lévites. Anaïta walao. Vous avez commis un grand péché. Mulifanya zambi mokubwa kabisa. Repentez-vous. Basi mutubu. Revenez dans la maison de Dieu. Narudieni tena munyumba ya Bwana. Partout dans les juges, Pahalipote, wakati ya wamzi, ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Walifanya maovu mbele ya wamilele. Dans mon carnet, j'ai tracé un tableau. Ndani ya karatasi yangu nifanya ko kibao kimoja. Donc, avec Othniel, juge 2, 11, 14, ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Mettez-moi maintenant juge 2, 16. Juge 2, 16. Sura ya pili, mustari ya kusoma ya 16. Technique, comment? Juges 2, 16. 2, 16. L'Éternel suscita des juges. Bwana kasima misha wa muzi. Afin qu'il les délivrasse de la main de ceux qui les Amba wakawoko katika mikono ya wale wa kuwateka. Avec Deborah, c'est juge 3, 12, 14. Mais mettez-moi juge 3, 9. Juge 3, 9. Juge 3, 9. Juge 3, 9. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Juge 4-3. Juge 4-3. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Deborah prophétesse était juge en Israël. Juge 6, 7, 8. Wamzi sura ya 7, 8. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Je saute partout, laissez-moi prendre la fin. Juge 16, 28. Wamzi sura kumina sita, stare kusoma kumimbili na munane. 16, 28 à 29. Odia makumimbili na kenda. 30, 29 jusqu'à 30. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Verset suivant. Et Samson embrassa les deux colonnes. La prière d'aujourd'hui. Il y a des colonnes de Philistins qui doivent tomber. Kuna kuya manguzo ya Filistini na pasa kuanguka. Parce que Branza kunywa. Parce qu'il buvait. Samson kuna. Samson. Kuna tourné meul. Tourné la meul. Meul muswali nini. Kuna tourné. Alikuwa na saka ngano. Kuna saka ngano. Il tourné la meul. Bobe kuna cheka. S'est moqué de lui. Quelqu'un m'appelle, il me dit non, pasteur, j'ai fait un rêve. Mutumananita sema pasteur, il nous a fait un doto. Dans mon rêve. Dani andoto yangu. Je vois des femmes et des hommes. Naona banamuke na banaume. Quand je me lève. Wakati na amuka. Il rigole. Beko na cheka. Si je veux prier, il se moque de moi. Beko ta komba, beko na ni chekeleya. Aujourd'hui là. Léo. Aujourd'hui. Léo, Léo. Aujourd'hui. Léo, y. Samson dit. Samson, yanasema. Amène-moi. Mounilete. Il appelle les deux petits-enfants. Anaïta batoto, bawidi. Il y a toujours deux témoins dans la Bible, n'est-ce pas? Bashuda, bawidi, ndani ya Biblia. On ne va pas revenir sur ça. Il y a la révélation. Kuna kwa ufundu lo pale. On y amène, il dit, fais-moi tenir une colonne. Asa mounisaidie ni bambe kungambo yanguzo. Mettez-moi le verset suivant. 30. Il s'appuya contre elle, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes, c'est au pluriel, et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Donc ce matin, les colonnes, Manguzo, là où siègent tes ennemis, pale banekaria, pale badui yako, doivent tomber. Ina pashwa kwanguka. Parce que le vrai juge, Babu Mwamzi wa kweli, est revenu. Alisha Rudia. Salomon avait fait ce qui déplaît ou qui déplaisait au Seigneur. Seulement, il a fait un bilan avec mon frère Shabwana. Quand il a prié, les cheveux ont commencé à pousser. Il est rentré dans son alliance. Parce qu'on avait dit de ne pas couper les cheveux. Mais lui, il avait livré son secret, on avait coupé les cheveux. Et un jour, les cheveux ont commencé à pousser. Un jour, il est rentré dans son alliance. Léo, aujourd'hui, Léo, aujourd'hui, fais alliance dans mon. Fais ton alliance avec Dieu. Dieu va faire quelque chose. Mungu atafanya kwa jambo moja. Deux choses. Vitu biwili. Premièrement, kitu ya kwanza, quand ils ont fait ce qui déplaisait au Seigneur, balifanya mabaya mbele ya wamilele, ils ont leur crié au Seigneur. Kisha barenda kumulalamikia. Alors, mon premier sujet de prière, shina yangu ya kwanza ya maombi, c'est la repentance. Ni kitubio. Nous formons nos yeux. Wote tufinika macho yetu. Alléluia. Prends la position que tu veux. Kamata hali unataka. Parce que c'est pour ta vie. Sababu njuu ya faida ya maisha yako. Seulement les instruments, parce que même les choristes, nous sommes tous en train de chercher Dieu. Si si zote tu n'as pas fait ta bonne. Nous sommes en train de prier. Tu n'as déjà kuomba. Tu dois arrêter le cycle des ennemis dans ta vie. Si ma misha ikumpito yaba. Adui maisha yako. Il y a un cycle. Kunakuya wakati kunaendelea. C'est finalement toi qui ouvres la porte. Wewe ndio unafungula milango ile. Implore la miséricorde de Dieu. Dai sasa nehema ya Bwana, rehema yake. Implore la miséricorde de Dieu. Dai sasa rehema ya Mungu. Prends la position, bien-aimé. Maintenant, c'est ton cœur. J'ai parlé de l'attitude. Appa, en ce moment, nous avons changé ce cycle. J'arrête le cycle. Il y a pas ennemi pour ma Isaïa. Et mes ennemis sur ma vie. Ils ont fait ce qui déplaît au Seigneur. Ils ont fait. J'ai fait. Oh, ce matin. Basse à subir l'air. Commence à prier. Anja kuomba sasa. Elevu tava kumasa prie. Paza sauti yako ingia malomi. Thank you. Oh Seigneur, pardon. Oh pardon, Seigneur. Tu es juste et fidèle pour pardonner nos fautes. Et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Que le sang de Jésus sois sur toi ce matin. Purifie ta vie. Purifie l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aime ta présence, seulement les instruments. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Que Dieu écoute vos prières et votre repentance. Nous avons cinq sujets. J'ai parlé de sept juges. Je prends cinq sujets de prière. C'est une minute. Ça fait cinq minutes. On a vu Othniel. Il s'est battu contre le roi de la malédiction. Ce matin, il y a un arbitre. Ce n'est pas une histoire. Il a fait avec Ruth. Délivrer des malédictions. Être mère du roi. Il a eu un enfant qui valait 7. Allez, patte mon toto, il connaît bien mon toto saba. Ruth, la Moabite. Ruta, ok Moabu. Notre premier sujet. Shinayetu yakwandi amaum. La vie de Cain criait à l'Éternel. Bibi na se wakatem na namiki wa milele. Dieu envoya un juge. Wongali tumba muamuzi. Je me lève ce matin. Na penda tena subu ya leo. Pendant une minute. Que tu cries à l'Éternel. Qui s'élève Tashimama. Pour arrêter la malédiction dans ta vie. Quel que soit le degré de la malédiction. Ingawa kimo wala aina ya mikoshi ile. Aujourd'hui, leo leo. C'est la fin. Kuye mwisho. Lève ta main droite. Yanyua mkono kwa kuume. Dis avec moi. Sema vile nitasema. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Simama. Simama. Kwa maisha yangu. Kwa maisha yangu. Nakuvunja. Nakuvunja. Malédiction yote. Malédiction yote. Wote kule natoka. Wote kule inatoka. Kwa maisha yangu. Kwa maisha yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Anza kuomba sasa. Détruis la malédiction. Toute malédiction dans ta vie. Toute malédiction ce matin. J'ai détruit toute malédiction. Mes enfants ont droit au mariage. Ils ont droit à la réussite. Ils ont droit à la prospérité. J'ai droit à l'élévation. J'ai droit à la gloire. C'est pourquoi ce matin, toute malédiction prononcée sur ma vie, sur l'église, sur mes enfants, ce matin, j'ai détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis la malédiction. Détruis la malédiction. Détruis, détruis, détruis. Détruis. Oui, Nabuka. Il en est bon Nabuka. Il connaît Nabuka. Il connaît Nabuka. Il connaît Nabuka. Baba Isaïa. Il connaît Nabuka. Oh, merci. Deuxième sujet de prière. Déborah. Elle a lutté contre les Cananéens. Lève ta main droite. C'est ma parole, mon ami. Dis ensemble avec moi. Père. Père. Asubuya Léo. Asubuhi ya leo. Mina ordone. Mina ordone. Bulongo pale mitakanyanga. Bulongo pale mitakanyanga. Itaniobei. Itaniobei. Ikuwe munyumba yangu. Kuye munyumba yangu. Ikuwe mukazi yangu. Kuye mukazi yangu. Ikuwe mulikasi. Kuye mulikasi. Ikuwe mukongo. Kuye mukongo. Ibulongo. Ibulongo. Iniobei. Iniobei. Wenjo juge. Wenjo juge. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Prie, prie. Anja kuomba sasa. Cette terre doit obéir. Il marche sur la terre. Commence à marcher. Dieu a dit à Josué, tout endroit te foulera la plante de tes pieds. Tembea Babulongo. Azamu Tembea. Sebaï Boulongo. A partir à l'air. Il t'a obéi. Il t'a obéi. Ordonné à Soubialev, Boulogne à Boukanissa, Boulogne à Boulikas, Boulogne à Boukongo, Boulogne à Boukas, il obéit. Jephté, il a prié contre les Ammonites. Aliomba kinyumba ya bana ba Ammoni. La mort. Aneke kifo. Parce que Branza kutoba toto au dieu Moloch. Parce qu'il sacrifiait les gens au dieu Moloch. Alors nous allons faire J'aimerais que nous prions pour détruire la mort dans nos vies. Yakwaribisha kifo maisha yetu. Et comme je l'ai dit. Gisi nilisema. La mort, tu pries et puis tu rachètes. Kifo, mwezo kuibeba na kukombolewa tena. Kama una offrande yoyote, si tu as n'importe quelle offrande, tu vas le faire. Ifanye vile. Pendant cette prière. Kwa hiyo wakati. Parce que on a racheté kifo. Parce que tu rachètes la mort. Hakuna mtu Mungu alimwona racheté ku kifo pasipo sacrifice. Aucun homme que Dieu a racheté de la mort sans sacrifice. Sacrifice na umaka. Le sacrifice ça fait mal. Sacrifice ina umaka. Le sacrifice fait mal. C'est quoi une voiture par rapport à la vie? Gari ni nini mbele ya maisha. C'est quoi une maison par rapport à ma vie? Wala nyumba iko na bei kali mbele ya maisha. Mbele ya bujima. Pendant que je parle, tu sens toi-même dans ton cœur le sacrifice à faire. Hapa niko nasema unashika ndani ya moyo wako ni sadaka ndio utafanya. Tu as kusimamisha kifo. Pour arrêter la mort. David était roi. Daudi alikuwa mfalme. Nathan amwambia. Nathan lui a dit. David. David. Tafuta hôtel. Cherche un hôtel. Fais le sacrifice. Va faire le sacrifice. Arafna voulait lui donner l'air gratuitement. En peine on bâtit Yaboulé. Dans 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel. Le 24. Aravna veut le donner gratuitement. David dit non. Aravna le pendant mon pâté yaboule. Yara se ma panne. Si là. Apa. À cause de la mort. Quoi dire tout ya kifo. Le sang doit couler. Dame cher témoignique. Et quand il a fait le sacrifice. Wakat elfani le matoleo. L'ange de la mort s'est arrêté. Malaïko wa kifo. Alishi mama. Lève ta main. Enyola tena mukono yako. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Mina kuita. Mina kuita. Comme les enfants d'Israël ont crié à toi. Comme les enfants d'Israël ont crié à toi. Na mina kulalamikia. Mina kulalamikia. Kifo kyote. Kifo kyote. Pa maisha yangu. Pa maisha yangu. Munyumba yangu. Munyumba yangu. Makazi yangu. Kazi yangu. Mina shimamisha. Mina shimamisha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas commencer à prier. Anza kuomba sasa. Et là tu fais, tu donnes ton vœu. Au nom de Jésus. Mina shimamisha. Kifo. Babatot. kwa maisha yao, mukazi yao, mukizazi. Sita kufa na accident. Niko ya motoka, niko ya avion, niko ya train. Matoto yao, abata kufa na accident. Ya motoka, ya train, ya avion. Sita kufa, makazi yao, haita kufa. Kujina la Yesu, haita kufa. Aïta Koufwa, Aïta Koufwa, Moutina la Yes, Moutina la Yes, Aïta Koufwa, Aïta Koufwa, Aïta Koufwa, Aïta Koufwa, Aïta Koufwa, au nom de Jésus, Léo, Mirasema, c'est fini, Mirashimamis, Bipo Biote, Kunaïsa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Mirashimamis, Mirashimamis, Mirashimamis, Moutina la Yesu, Mifopiote, ma sacrifice yote, Aïta Panika, Moutoumbaya, Katika Tina la Yesu, Namukizaz, Moubalokoyam, Moutamaya Bakouayam, Mirashimamis, Mile Mifopiote, Moutamaya. Oh merci. Lève ta main. Samson a prié. Samson a yomba. Il a dit, Seigneur, en ce jour, j'aimerais me venger devant les Philistins. Nashi et Léo. Et nous aussi aujourd'hui. Mungu a dit venger. Dieu se venge. Papa a dit beto. Sur nos ennemis. Ça c'est le temps de faire tomber tous les géants. Goliath le Philistin. Goliath et les Philistins. Là on a pris large ton ministère, ta gloire. Sanduka la wangano utukufu yako na utumishi wako. Buzazi bwako. On a pris ta fécondité. Fierté yako. Fierté yako na tout pris. Wakati biko nanguka. En ce moment ça va tout tomber. Lève ta main. Nyanyua mkono yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Ba Filistin bote. Ba Filistin bote. Bale malabuka mu maisha yangu. Tu as kubeba gloire yangu. Tu as kubeba gloire yangu. Tu as kubeba buzazi bwangu. Tu as kubeba buzazi yangu. Ninakatala. Ninakatala. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Goliath yoyote. Goliath yoyote. Unasimama mu maisha yangu. Unasimama maisha yangu. Unasimama mu nyumba yangu. Unasimama mu nyumba yangu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Niko na muangusha. Niko na muangusha. Onode. Onode. Au nom de Jésus, on commence à prier. Maman, ça s'en est compris. Katika Tina la Yesu. Nakusa. Les géants vont tomber. Les géants vont tomber. Les géants vont tomber. Dieu est notre juge. Waouh! Waouh! Il est notre juge. Tu es mon juge. Tu es mon juge. Tu es l'arbitre. L'arbitre s'est levé. L'arbitre s'est levé. L'arbitre s'est levé. L'arbitre s'est levé. Lève tes mains là où tu es. Je déclare ce matin, alléluia, dans le nom puissant de Jésus, que le Dieu qui m'a donné ce message, il s'élève aujourd'hui et maintenant comme arbitre juge. L'arbitre vient de se lever pour trancher les litiges. Aujourd'hui, finis la malédiction dans ta vie. Au nom de Jésus, aujourd'hui, la terre qui t'est refusée, je lui ordonne de t'accepter. Au nom de Jésus, aujourd'hui, les semences que l'ennemi a dévorées, il ne dévorera plus tes semences, mais ta production. Aujourd'hui, la mort qui te poursuivait, elle est arrêtée. Au nom de Jésus, aujourd'hui, les géants qui se sont levés dans ta vie sont détruits, sont renversés. Parce que le vrai juge, vient de se lever dans cette église. Dans ta vie. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour avoir accompli cette parole qui est venue tout droit de toi. Alléluia. Je te bénis et je te rends grâce. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous allons passer aux offrandes avec la cantique qui va nous conduire la chorale. Nous allons offrir selon l'ordre du protocole. Génération, on t'écale un zambé. Azala zambé, on a fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Seigneur, nous bénissons ces offrandes et tous ceux qui t'ont adoré avec leurs offrandes. Tu aimes l'adoration et tu bénis les vrais adorateurs. Que ton nom soit béni et glorifié dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Ok. J'aimerais d'abord recevoir les bien-aimés qui ont été baptisés. Le samedi 6 et le samedi 13. Nous voulons les recevoir pour la joie. Frère Guilain Kalombo Yuyu, est-ce qu'il est là? Guilain Kalombo, katikati yetu. Venir ici devant, est-ce qu'on peut acclamer à voix de frère? Est-ce qu'on peut les encourager correctement? Nous avons pour vous. Que Dieu te bénisse. Frère Nicolas Mouelois Kola. Donc Nicolas, Nicolas Mouelois. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Caribien. Oh, merci. Frère Magloire Chiata Kabamba. Donc Magloire Naya Caribien. Sœur Mélissa Numbikulu. Dada Mélissa Numbikulu. Elle est là. Sœur Mélissa Numbikulu. Dada Mélissa Numbikulu. Elle n'est pas venue. Frère Pascal Murula Ziakiroa. Donc Pascal Murula. Pascal Murula. Murula. Donc Pascal. Pascal Murula. Il n'est pas là. Frère Espoir Ramazani Kazadi. Donc, Espoir Ramazani Kazadi. Kazadi, est-ce qu'il est là? Frère Neville Kasongo Chibang. Donc, Neville Kasongo Chibang. Frère Isaac Longo Joseph. Donc, Isaac Longo Joseph. Frère Pierre Chanon Kabengele. Pierre. Sœur Harmonie di Sanka Kasongo. Dada Harmonie, Dada Harmonie di Sanka Kasongo. Elle est là, la sœur Harmonie. Elle n'est pas là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu n'as pas besoin de ma coffee quoi dire à Les anciens, venez et moi, nous allons saluer et encourager nos bien-aimés. Bazeya kanisa, mkwe pamoja nami, tusalimie. Waimbaji patie wimbo, bazeya msimame, msimame. Est-ce que en église, maintenant on peut les acclamer. Kanisa muzima doit piquer mikono. Ok, les bien-aimés ont été baptisés. Wapendo abraza kubatizwa. Mes bien-aimés, Abba, banami baptisa monoko ba membre ya Kanisa. Comment on vous a baptisé? Vous êtes devenu le membre de l'église. Membre effectif. Et devenu le membre effectif. Et membre de l'église, celui qui a été baptisé dans les eaux profondes. Ule anakuya mumemba wa kanisa nyule anabatizwa ku maji marefu. C'est-à-dire que maisha yenu inintéresse maisha ya kanisa. C'est-à-dire votre vie maintenant intéresse la vie de l'église. Na maisha ya kanisa inamintéresse. Et la vie de l'église aussi vous intéresse aussi. Aimez l'église. Pende kanisa. Aimez le pasteur, aimez les serviteurs de Dieu. Pende mchungaji na mpende batumishi ya Mungu. Et attachez-vous à l'église. Na muambatane ku kanisa. Inakuwa ya lazima sana. C'est vraiment important. Et après cela, kishaile, nous partageons avec vous un sucre et quelques sandwiches. Tadigawani yako sandwich kidoko na sucre. Après le culte. Kisha donc kunja ne partez kanisa. Pas tout de suite. Ushende kwa haraka. Allez vous mettre et que Dieu soit loué. Donc ils sont devenus membres de l'église. On a quoi ba memba ba kanisa. Et c'est comme ça que nous vous invitons à comprendre ces choses. C'est très important. Qui est venu pour la première fois dans l'église, peut-être on n'a pas donné son nom. Ninani anakuya mara ya kwanza mu kanisa. Akuleta jina yake. Oh. Duko musimame, musimame nduku. Musimame. Mettez-vous debout bien-aimés. Est-ce qu'on peut les acclamer? Tunaweza kuwapikia mikono. Mubalamukie ko. Zoler bonjour, dilele bonjour. Saluez mes voisins, saluez-les. Mubalamukie, moi bonde kumpembeni mubalamukie. Saluez-les, ceux qui sont à côté de vous. Ba mama, ba baba mubalamukie. Les mamans et les papas. Saluez-les, les visiteurs. Mungu amibariki sana. Que Dieu vous est-ce bénisse. Est-ce qu'on peut aussi les acclamer très fort? Wapikie sa mikono kanisa muzima. Que Dieu vous bénisse. Donc après le culte aussi ne partez pas. Nini kisha ibada mshende kwa haraka. Vous allez vous asseoir, vous allez passer. Mutekala ngambo ya huku. Et ensemble avec les bien-aimés. Pamoja na wale barabatizo. Vous allez recevoir et parler avec. Nini tabaipokea pamoja. Vous asseoir Mungu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Voilà, je donne le programme de l'église qui est en train d'être changé pour l'épaule. Na leta matengenezo ya kanisa ndo kubadilishwa pole pole. Lundi demain kesho mkazi moja nous avons nos secteurs tutanja maibada yetu ya mita secteur c'est-à-dire dans le quartier où vous habitez vous cherchez l'endroit le plus proche secteur manaya ke kule kunekala tafuta fwashi ya karibu bale manekala kamu UCS ceux qui habitent divo Kadel et UCS à 16h30 17h Burangam ça y est à 16h30 ils viennent se réunir ici dans l'enceinte de l'église bale. Vous avez consolation. Nous avons un culte de consolation chez Maman Leki. Mais est-ce que Bote Banajou a Panyumba? Oui. Oui. Vous êtes sûr? Ce n'est pas mieux que quelqu'un a couillé à Pakisha Mounatelemouka Pamoye. Ok. Nous allons faire ça donc, comme ça. Secteur UCS. Secteur ya UCS. Na APA. Pakanisa. SNCC. SNCC. SNCC. Quatre missions. Quartier mission. C'est papa Eric, maman, Fifi, Shangalele. Baba na mama, numéro combien? Fifi, Fifi Shangalele. Numéro 7. Shangalele, numéro 7. Mon affiche a parlé. Vous arrivez là-bas, il y a l'équipe de secteur. Chitourou, c'est le frère Jules et maman Sylvie. Chitourou, ben quoi? Donc Jules, na maman Sylvie. Bienvenue, papa Jules. Bukavu 7. Bukavu numéro 7. 7. 40 maisons. Ville la 40 maisons. Avenue des artisans. Avenue des artisans. Chez le frère Olivier. Mon papa Olivier. J'ai oublié. C'est quel numéro? Combien? 32B. 32B. Voilà, jusque-là, les secteurs que nous organisons. Joma, Mita, secteur Vileiko. Nous aurons d'autres secteurs, je pense, en début 2026. Tout à part, ma secteur Ingine Mupia, Kumwaka, Ijayo. Mardi à 17h. Mukazimbil na saa 17h. Les intercesseurs. Waombezi wote. se retrouvent à 17h à l'église. Dans une des salles à l'école. Je veux que les intercesseurs nous maintenions le programme qu'on a eu depuis l'Ikasi Tador. Tushike ile matengenezo ya tangia l'Ikasi Tador. Parce que tunakuwa na makazi iko paka na kuye. Parce que nous avons différents services qui interviennent. Nous, le mois de septembre, c'est le mois d'évangélisation. Et le mois d'octobre, nous allons vous donner le programme. Et le mois de novembre, nous commençons Mulima 30. Donc ça signifie que l'intercession continue. Donc, mardi de 17h à 18h. Mercredi, nous avons notre culte. S'il vous plaît, venons aux enseignants. Vendredi, nous avons culte de prière. Nous venons aussi aux enseignants. Jeudi, les mamans. Mama et jeune soeur, s'il vous plaît, les mamans, soyons ensemble. Que chacun soit concentré à Dieu. Et j'exhorte toutes les mamans. Quand je dis les mamans, ce sont des mamans. Des mamans choristes. Les mamans, les femmes des anciens. Les mamans, les femmes de diacres. Les mamans diaconesses. Les mamans, les femmes des serviteurs. Soyons là. C'est important. C'est important. De ce que nous faisons. Donc ça, c'est jeudi. Samedi, nous avons intercession le matin. Et dimanche prochain, Chico ya Jumapili litakuya notre table tutakuya na ibada ya meza et donc notre culte de sainte scène na ibada ya meza ya bwana. Et nous commençons toujours à 8h avec la prière, 8h30 avec le culte. Tunaanza na 8h juu ya ombezi kisha ibada kamili na 8h30. Je donne maintenant un programme spécial. Naleta kwa matengenezo moyo ya upeke. On a travaillé avec les médias. Cet après-midi à 15h. Leo Mangaribi na saa ya 15h. C'est de 15h à 16h. 15h paka 16h sa moya bure. Parce qu'après j'ai une autre réunion. Sababu nakuwa tena na mkusanyiko mwingine. Alors, mistapokea ma commission yote pamoja. Je vais pas recevoir toutes les commissions ensemble. Je voulais recevoir la chorale. Toutes les chorales. Ta kusanyika na ba imbaji bote. À 15h. Na saa ya 15h. Dans une des payotes là en bas. Kule nyuma. Donc chorale. Waimbaji. Protocole. Walinda salama. Évangélisation. Na bakupashwa habari njema. Donc les trois commissions. Ima vikundi tatu. Comment on appelle ça, 15h signifie 15h. Disons 15h, c'est à 15h pile. Tu regardes au payote parce que qui vous coûte au moins. Allons le mettre dans le payote là pour avoir un peu de l'air. C'est de 15h à 16h. Ça y a 15h pas qu'à 16h. 16h car je lève l'ancre. 16h car parce que nous avons une réunion ingine. Ça va avoir quoi tenir mon ingine. Alors nous serons précis. 20 minutes. 20 minutes. Tous minutes. Les responsables des chorales. Wa mnye madaraka yote ya waimbaji doivent être là. Bakuye. Tous les responsables. Mnye madaraka bote. Le protocole tous. Balinda salama bote. Et l'évangélisation. Kundi ya kupashwa habari njema bakuye bote. Nous garder le même rythme de travail. Chunge paka vukutumo ya kazi. Et nous voulons que vous puissiez préparer le point. Déjà prenez les fiches. Ça sera vite fait, on va pas perdre beaucoup de temps. Utapochete na wakati mingi kabisa. Voilà, donc ce programme c'est de 15h. Njio matengenezo yale 15h, on va se libérer. Aparasa ya mingi tu achana. J'ai quelques anniversaires. Que nous allons présenter et bénir le Seigneur ensemble. Tunapenda kubariki Mungu pamoja. Frère Eloge Ngoi. Duko Eloge Ngoi. Tu fais ton anniversaire. Viens, on va acclamer quand même pour lui, le choriste. Encouragez quand même votre collègue. Allez, prends le drum quand même. Chante quand même. Encouragez-le. pas seul, pardon, pardon. Pardon, il n'est pas seul. Sœur Priscille Madia, c'est qui? Priscille Madia. Dada Priscille Madia. Elle est où? Oh, Priscille, donc, c'est toi, Madia. On acclame aussi le Seigneur, on l'encourage. Frère Henri. Donc, Henri. Frère Henri, il est où? Donc, Henri, il est où? Hé, Henri, c'est toi. Tu te casses. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur, c'est pour l'encourager? Je vais vous dire, je vais vous dire, je. Et on termine avec Maman Gloria Moulang. On Maman Gloria. On acclame le Seigneur aussi pour l'encourage. Maintenant vous pouvez chanter. Est-ce qu'on peut les encourager? Tu es là, on n'a pas donné ton nom. Viens aussi, la fête. Voilà, maman, venez, on n'a pas donné le nom. On acclame encore le Seigneur, on encourage. Eh, venez, eh, maman. Caribieni, Caribieni, Caribieni. Venez, même si on n'a pas donné votre nom. Caribieni, Caribieni, Caribieni. Botama est longue. Alléluia. Qui connaît ça en Chiluba? Mouchiluba, ça, non, non. Fernand est où? Prends le micro, maman. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Allez-y, je voulais entendre. Mukiluba. S'il y a une autre langue, quelqu'un qui connaît peut déjà lever sa main. Wow, tu dois y aller. Gloire au Seigneur. Alléluia. Une autre langue. Maman pasteur, donnez aussi. On chante, c'est Jésus dans toutes les langues. Hein. En ronde. Kouvadiko wampe. Kouvadiko wampe. Kouvadiko. Thank you. Kibemba, il y a personne qui connaît le Kibemba. Kikongo, papa mon bête. Ah, voilà, papa mon bête. Botabaya, bote. Botabaya, bote. Botabaya, Botamaya, bote, Détroit. Botamaya, bote, Botamaya, bote, Botamaya, bote. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Seigneur, je bénis tes enfants. Je proclame la grâce exceptionnelle dans la nouvelle année qui commence dans leur vie. Ils prospéreront. Ils croîtront comme les cèdres du Liban. Tu seras leur juge, leur législateur et leur roi. Je déclare une année de faveur et de grâce. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et bon anniversaire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Oui, de temps en temps, c'est l'église, c'est la famille. Kanisa ni jamala tout moja. On va apprendre toutes les langues. Tutajifunza maluga yote hapa. Maman Véro remercie le Seigneur pour le soutien reçu lors du décès de son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Micheline, mes filles, est-ce que vous pouvez aider maman? Vous pouvez aider maman? On encourage quelqu'un. Je vais bénir pour elle, comme ça va marcher. Restez seulement là-bas. On va écrire tout par les miombe. On va écrire les miombe. On va écrire mon corps. Baba, Minakoubari. Mungu, Wabave. On va écrire à Mungu. Déjà, une position, il y a Baraka. La position, il est venu me prendre en charge. Kumbi, Minabari, qui m'a dit, Chayaki, Kati, Kati, Nala, Yesu. Amen. On va vous ça. Est-ce qu'on peut l'encourager? Ok, nous avons nos enfants qui ont fini les études. On a donné certains noms, d'autres noms n'ont pas été donnés. Mevlin, c'est qui? Je connais des visages pour Mevlin. Mevlin. Hey, viens. Caribia. Viens. Ruth Boduka. Ruth Boduka. Venez. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Famille Boduka, plutôt famille Mbikale pour Benjamin. Benjamin, nous avons plutôt. Maman Claudine, ah, tiens, il y a des gens, est-ce qu'on va encourager? Dis-moi, c'est quoi? Ah, c'est l'église où source féconde. Oh. Alléluia. qu'on le sonne. Voilà, je suis fier de vous. Toi aussi, Jérémy. Tu as fini, hein? Ah, tu m'avais dit que je te visais. Souvent, on peut l'encourager aussi. Alléluia. Et... tiens, chez Papa Serge, c'est toi. Toi, tu as fini en économie. Économie, hein? Ok. Que Dieu te bénisse. Ça va. Est-ce qu'on peut l'encourager aussi? Alléluia. Eh, à Bilato, on est jamais ensemble. Bilato, il est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos enfants? Alléluia. Ok. Masai ngine to je preocupe kana mambo ingine. Acha Pilato, masomo jo naishi. Pilato bitakuwe. Mungu asifiwe. Amen. Je vous bénis vraiment, on a fini un peu en retard mais que Dieu soit béni. C'était important de donner des témoignages. Si vous avez un témoignage, voyez-nous avant. Kama kuna ushuda utuone mbele ya wakati. Le samedi c'est mieux. Siku ya posho ni mzuri. Ou vous envoyez à un ancien. Ona mtumia hiyo mzee moya. Il me fait part du témoignage dimanche. Atamsikishia hiyo témoignage. Fadhali maushuda ikuyeko. Nous sommes arrivés à la fin, n'oublions pas le travail de 15h. C'est urgent et important. Kazi ya muhimu kabisa saa 15h. Tous les choristes doivent être là. Waimbaji wote barudie pa kanisa. Parce que je vais parler même du comité de chorale. Je vais comprendre. Tasungumuzia napenda kuelewa wako. Kamiti ya waimbaji. Je veux qu'on se parle. Je n'ai pas beaucoup de musique, mais je veux qu'on se parle. Mes amis de canon, soyez là. Aujourd'hui, ils n'ont pas chanté parce qu'ils n'étaient pas à la prière. C'est papa qui a pris la décision. Donc, n'en voulez pas au modérateur, c'est papa qui a pris la décision. Parce que nous voulons mettre les choses en ordre. Et c'est important. Nous nous tenons debout. Nous levons nos mains. Remercie le Seigneur pour ce moment. Pour la grâce reçue. Père, nous te disons merci pour ton amour envers tes enfants. Que ta grâce soit déversée sur nous. Bénis tes enfants. Bénis la semaine qui commence. Nous la déclarons bénie. Une semaine de différence, de faveur, de grandes choses. Glorifie-toi, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Et manifeste-toi à jamais. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Nous prions au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Bwana awabariki. Et à cet après-midi.